Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission, car vous pouvez griller vos enfants parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission, car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter, car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons aux CSA de nous écouter, car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir, car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h, minuit, du lundi au vendredi. Oui. Vince sur NRJ. Vince est dans la... Oh, peuple de Belgique, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien bossé. J'espère que tu as bien mis tes enfants au lit, même s'ils sont en train de nous écouter. J'espère que tu es prêt pour cette belle émission, puisque ça y en est de retour. Je m'appelle Vince pour vous servir de 21h jusqu'à minuit. Minuit, nous n'avons jamais fini à minuit. Jamais, sauf une fois, c'était la première émission. D'ailleurs, Lara, nous en avons l'émission numéro combien? Non, là non, je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'as pas fait ton calcul? T'as Attends, pas réussi? On est là depuis 3 mois et quelques jours, c'est-à-dire... Ouais, depuis le 27 août, exactement. Donc si on fait 4 fois 3, ouais, ça fait 12, 4, 12, ouais. 12 semaines plus la première semaine de décembre, 13. Ouais. La deuxième semaine de décembre, ça ferait 14. Mais comme on est jeudi, on est là à la... Merde! Ça y est, elle a raté son calcul! Non, et non, il fallait bam. Compter les jours! Ah là là, mais tu galères, Lara, on dirait. Hein. Non, mais attends. On est, je sais pas, on est à une émission numéro combien là? Attends, j'ai en train de compter là. Attends, ça galère. Mois à raison de 5 émissions par semaine. Donc 5 émissions par semaine. Le premier auditeur qui me dit 5 émissions en semaine depuis 20. 27 août. On Allez. Est à 70. Quoi déjà? 79 là. 79 émissions déjà? Ouais, 79, ouais. T'es sérieux? T'as pas calculé comme ça vite fait là? Mais non, je viens de prendre en fait par semaine 5, donc 5, 5, 5, 5, 5. Génial, ouais. En enlevant la semaine où on n'était pas là, c'est déjà la 79e émission, ouais. Là. C'est un truc de ouf, putain, mais il y a des saisons qui font même pas ça. Enfin, il y a des séries qui font pas ça là, c'est dingue. Salutations à 7R qui lui a calculé 69 de son côté. Lui, il a calculé 69. Hein, 69. Depuis le 27 août, les amis, on est là du lundi au vendredi. Ça, c'est la position qui a été faite pour qu'il soit conçu. Essayez de nous donner les infos. Il y a Kylian qui est connecté, mais. Kylian est dans la maison! Voilà qui fait plaisir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, Lara? La journée s'est bien passée? Très très très très bien. Journée très efficace. Oh non, c'est Lara, toi-même tu sais. J'ai réglé toutes mes factures. Sérieux? Oh, j'adore. T'as fait ça comme ça en milieu de mois. D'accord. Putain, moi j'y arrive que début de mois et après c'est fini. C'est foutu. Ah bon? Non, quand j'ai le temps, quoi. Ah bah très bien. Et puis on a Nigel qui est là aussi dans la maison. Nigel, l'homme le plus détesté de cette émission, et en même temps les gens l'adorent. C'est bizarre quand même. C'est le contraste. C'est comme Trump, hein, tu vois. Ça va, toi? C'est le même délire. Ça va, t'as passé une bonne journée, toi, Nigel? Ouais, franchement, super. Cool. Alors, les examens, ça se passe avant? Ouais, ça se passe. Bah écoute, en plein blocus, là, presque. Ouais, semaine prochaine, c'est. En fait, normalement, t'es supposé déjà être dans ton blocus maintenant. Hein. Ouais, déjà, ouais. Normalement, le soir, tu dois être en train d'étudier, tu vois. Bah, j'étudie en faisant l'émission. T'imagines, il met son fascicule, son fait son syllabus sur le côté, ce serait trop drôle. C'est exactement ce que je fais. Hein. Ah bon, ah, c'est genre ça le gros bouquin, là. Ouais, là, ici, là, c'est à moi, là, je suis en train d'étudier. Hein. D'accord. Donc, tu vois, genre, à chaque musique et tout, de préférence qu'elle soit longue, hop, j'étudie. Elle dure 2 minutes, donc ça craint. Pour Nigel, c'est long. Ouais, ouais. Mais ça... On a Thibaut qui est là. Salut Thibaut, comment ça va Thibaut? Salut, ça va super, et vous? Attention avec le micro, hein, parce que j'ai remarqué qu'il était pété le ouais, micro. Ouais, il hein. tient plus, mais ça fait un petit temps. On essaye de le régler pour qu'il tienne un minimum, mais... Voilà quoi, il tient plus. Ah là là. Qui a cassé ce micro? Ben je sais pas, on a reçu un mail ce matin, genre dans le 6-9, ils ont, le micro était cassé. Et tu sais, genre. Ah, attends, c'était ce matin qu'ils ont découvert, donc genre c'est nous quoi. Ouais, genre c'est nous. Et on a rien fait ce micro. Non, non, mais c'est eux, tu vois, ils le maltraitent ce micro, c'est un truc et de après, ouf. Et après, ils disent, ah ouais, on l'a trouvé comme ça le matin. Ouais, comme... non, non, mais. Ou alors Thibaut, Eddy, dis-moi, on l'a trouvé comme ça. Salut Eddy, comment ça va Eddy? Ouais, en fait, ouais, j'ai tout cassé le micro, j'en ai trop marre. C'est pour ça, on a le jiggle, on va tout casser, donc heureusement, on a des assurances. Ça va Eddy, tu vas bien? Ben, ça va super bien, ça va super super bien. Je constate. Par contre, dis-moi, il commence à faire trop froid. Et ça, j'aime pas trop. Eh, mais le froid, il est piquant là maintenant. Il fait moins 1 degré là. Moins 2, moi j'ai vu tout à l'heure. T'as vu moins 2. Oh mon dieu. Ah, sur Bruxelles en tout cas. Je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Ça va encore chuter. Hein. Ouais, c'est horrible. T'as pas ça toi. Moi, je déteste le froid là. Parce que les vestes d'hiver, elles sont pas belles. Ouais, non, c'est sûr. C'est justement ça, elles la beauté. Elles sont chères, les vestes d'hiver. Hey, t'as remarqué, quand tu veux t'acheter une vraie veste, genre de North Face et tout, j'étais avec ma copine en ville pour m'acheter une de North Face. Je me dis, bon, bah, c'est une veste d'hiver. 250 balles. Je me dis, ah bah dis donc, bah, faut aller faire un braquage, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas acheter une Quechua, là, de Décathlon? C'est super. Ouais. Attends, non, mais c'est malgré tout, ça reste cher. Non, hein. il y en a qui sont pas chers. Hey, c'est 100 balles les vestes. Une... Tu vois, non, moi j'ai déjà trouvé moins cher. Ah ouais, va rue Brabant, tu vas voir 5 balles la veste. D'accord, ouais, mais alors le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui l'a. Tu sais, quand tu pars au ski, tu reconnais ceux qui ont été chez Décathlon, ouais, tu vois. Avec des plumes de matelas. Il y a tout le monde qui l'a. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Salutations à Francesco, là. Francesco, Vince, vous êtes les meilleurs de énergie. Bonsoir tout le monde. Merci pour le message, là. Il nous dit bonsoir, les amis. Nous sommes dans la maison. Il y a Nathan qui est là. Il y a aussi Eden qui est connecté. Big up. Big up à toi, Eden. Eden m'a pas envoyé de message. Vous êtes dans la maison. Eh ben, maintenant, j'ai ton message. Salut à tous les nouveaux, là, qui nous envoient des messages ce soir. Numéro qui termine par 4455. Vous n'avez jamais envoyé de message à la radio, vous pouvez tenter, les amis, on le check en direct. 0492 222 002, n'est-ce pas, Richard? 0492 222 002. Voilà, ce soir au programme, le kiff ta sœur, les amis. On aura également le kiff mo 5, la friend zone. Vous voulez tenter de sortir de la friend zone, on est là pour vous aider. C'est une partie d'émission où bah, parfois on se marre, mais en fait, c'est pas le but de se marrer. Hein. C'est ça qui est bien. Vraiment, le but de base, en fait, c'est vraiment de taper la causette et de comprendre un petit peu quelles sont les volontés d'une personne qui désire sortir de la friend zone. On salue nos amis Nostalgie, la number one, qui sont arrivés. Voilà, donc, parce que on est voisins avec Nostalgie et on a le patron de Nostalgie qui vient de passer. Nigel, va lui lécher le cul parce que peut-être que tu vois, il y a moyen d'avoir un job plus tard, on ne sait jamais. Mais moi, je suis pas vieux, moi, laisse-moi tranquille. Pourtant, un jour, tu le seras. Voilà. Pourtant, t'es paix, c'est on dirait les paix de vieux. Hein. Ça sent le mort. Et donc, du coup, la friend zone, c'est un auditeur qui passe à l'antenne et qui demande voilà, s'il peut appeler un futur petit copain, une future petite copine avec qui il a en plus une relation d'amitié. Ça nous arrive à tous à un moment donné de. Ouais, tellement kiffer quelqu'un, mais en fait on kiffe tellement quelqu'un qu'on est prêt à accepter d'être son meilleur ami. Tout à fait. Et alors tant qu'on la voit, alors, tant qu'on parle. Ça a commencé comme ça. Ouais, ça commence comme une amitié sûr. Et puis merde. Ou parfois t'es trop timide pour avouer tes sentiments. Et alors du coup ben t'es dans cette situation, t'es dans cette friend zone. Ça c'est un défaut ça. Et on vous aide à en sortir dans cette émission. Comment? Et ben vous avouez vos sentiments à l'antenne. Vous appelez la personne avec qui vous êtes voilà en relation d'amis. Et si la personne dit bah écoute moi aussi je ressens la même chose et parfois ça arrive, c'est génial. Si par contre elle vous dit quoi toi mais t'es comme mon frère. Mais t'es comme ma sœur, mais jamais de la vie. Même si on est derniers êtres humains sur Terre, je vous jure, on a déjà eu des phrases comme ça. Jamais ça se produirait et tout. Et ben là, on dit que c'était une blague à la radio pour récupérer l'amitié, mais au moins vous êtes fixé. Comme ça, vous savez de quoi il en retourne. Hein. Et comme on est gentil, on met pas ça en podcast. Ouais, voilà, c'est ça. C'est disponible nulle part. Hein. Ouais. Sauf si c'est parti en sucette cacahuète, what the fuck. Voilà, ça, c'est drôle là. Et c'est rare encore. Vince, comment tu vas? Bah ça va. Merci pour ton message. Salut. Hey, merci à Ximec2K là qui a écrit salut nounou. Clin d'œil. Mathis aussi Mathis là. Mathis c'est dans la maison. Et salutations à tous les nouveaux là. Et surtout Vince c'est dans la maison. Merci et surtout. Et Vince est dans la maison. Merci pour ton message là. Salut la famille, hâte que vous commenciez. Je vous écoute en tant qu'étudiant. Restez comme vous êtes, drôle et surtout authentique. Merci pour ce message. Bah, ouais. Ça c'est sûr, Nigel, il n'y a pas plus authentique que lui. Hein. Richard aussi là. Richard est dans la maison. Oh yeah, wow. Zéro énergie. Puissance, on incroyable. Aime bien les gens en forme comme ça là. J'adore moi. Et quand vous envoyez des notes vocales, vous mettez la puissance comme ça. On va voir qui est la personne qui va nous envoyer la meilleure note vocale. Son prénom dans la maison sur énergie. Ah ouais, bien. Donc Nigel par exemple. Son prénom dans la maison. Nigel, vas-y, teste. Nigel est dans la maison. Sur énergie. Lara, teste. Vas-y. Lara est dans la maison. Oh mon dieu, putain. Sur énergie. Elle a pété les vitres. Oh my god. T'as droit dans les aigus là. Hein. Je vais m'évanouir. Et toi, ça donnerait quoi? Bah, Vince est dans la maison, sur énergie. Oh, c'est beau. Wow. Quel charisme. Les gars, après, c'est moi qui viens pour le Give Me Five. Ah, bah tant mieux, Mathis. Tranquille, ça. Qu'est-ce qui se passe, Eden? Jeune Renoir sauvage, Osgeek Duré dans la maison. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. Mais moi, je sais que j'ai quelqu'un qui s'appelle Jeune Renoir sauvage, Osgeek Duré. Mais il y en a plusieurs. Et j'ai une autre personne qui s'appelle. Bah, ouais, peut-être qu'il y en a plusieurs, effectivement. En direct du boulot, la team. Merci pour ton message, François, là. Alors, attention, on va y lire quels sont sera la meilleure note vocale. Les amis, on va filer un cadeau à quelqu'un qui nous envoie la meilleure note vocale du coup. Hein. 0492 222 002 sur WhatsApp. 0492 222 002. On va tout écouter juste après Major Lazer avec Tovlo. Ça s'appelle Blow That Smoke. Et au programme ce soir, en ce qui concerne les sujets, quels sont les pires cadeaux, les amis? Les pires cadeaux les plus malsains, les plus malaisants que vous avez déjà reçus? Pas malsains, mais plus malaisants, on va dire. Ou genre, vous avez ouvert un cadeau, vous avez fait ah! Oh merci, c'est trop cool. Tu vois ce petit côté genre tu essaies de garder le sourire et tout là. On en parle ensemble là, les pires cadeaux, parce que prochainement pour Noël, j'espère que vous allez pas recevoir des cadeaux de merde. Est-ce que vous avez déjà été arrêté par la police aussi? On va un petit peu avouer des choses dans cette émission, les moments où vous êtes arrêté à la police, expliquer pourquoi vous avez déjà été arrêté, ou peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. Ouais. On en parlera tout à l'heure avec vos expériences. Les auditeurs qui m'ont passé en live à l'antenne aussi. On a Yacine qui est là, là. Je sais pas si Yacine il m'entend. Allô Yacine? Ouais. Yacine est dans la maison. Mais il est bon Yacine. Yacine, mon pote, toi t'as eu des pires cadeaux, des cadeaux vraiment chelous. On en parle avec toi dans quelques instants, ça va? Ouais, pas de problème. Super mon pote. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Voici Major Lazer, Tovlo, Blow That Smoke. Note vocale sur le 0492 222 002 sur WhatsApp. Vous envoyez votre prénom plus est dans la maison, donc vous le chantez, vous le criez. On fait un petit concours tout de suite. Make some up and not life potions. Lose my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lies. Lose my head for you. I got the keys to heaven now. Blaze all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Blaze all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Blaze all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Feel the smoke and let me love that fire. I don't need no memories. But it's broken, I'm floating higher. This man is so good for me. Feel the smoke and let me love that fire. I don't need no memories. But it's broken, I'm floating higher. This man is so good for me. Franchement, c'est été son là. Major Lazer, c'est du bien. Tu peux rater l'émission une fois. Ouais, mais pas, ce n'est pas, mais pas 15, hein. Tu peux rater l'émission deux fois, mais. Pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Eh, hey Vince, voilà qui fait plaisir les amis, on va parler des pires cadeaux qu'on ait reçus là, les cadeaux les plus malaisants pendant les périodes des fêtes, anniversaires, en tout cas surtout à Noël. Quels sont les cadeaux chelous que vous avez déjà eu? N'hésitez pas à réagir avec nous. Si vous n'avez pas WhatsApp, il reste le 3018, je vous le rappelle. C'est possible pour 25 centimes le message. Hein. Maintenant le WhatsApp il est gratuit, ça qui est cool. Et je vous avais proposé de m'envoyer en note vocale vos petits cris là, votre prénom en mode dans la maison et tout ça. Alors on a un peu de tout qui est arrivé, j'ai pas écouté. Je vais découvrir en direct. Quelqu'un qui nous écrit: salut, comment allez-vous? Le numéro qui termine par 0019. On va bien, on va bien, on va tous bien. tout le monde va bien, je tourne la table. Formidable, gros programme dans l'émission ce soir. Vince, l'OMDR éliminé d'Europa League. L'OMDR, c'est quoi ça, l'OMDR? L'OM, l'Olympique de Marseille. Mais DR, pourquoi DR? MDR, putain, je dois venir vieux, j'ai même pas capté un vieux jeu de mots à la con comme ça là. L'OMDR, oh là là. Il y a Alizé aussi qui nous envoie, Alizé dans la maison, le blocus avec vous, la base, eh merci. Alors attention, c'est parti pour les petites notes vocales. Vous me dites ce que vous pensez, Nigel, tu prends des notes sur les meilleurs. Hein. C'est ouais, parti. Vas-y, ça marche. Kevin est dans la maison. Bien. Sur énergie. J'adore. J'adore le côté, tu sais, très schizophrène, tu vois. Complètement dans le délire, et puis tout d'un coup, boum, je me calme. Attends, je le remets encore, là. Kevin est dans la maison. Sur énergie. Bonsoir. Eh, franchement, à un moment donné, on va vous demander de faire ça dans des lieux publics et de nous envoyer ça en vidéo. Hein. Faire ça en classe, pendant que vous êtes en classe et tout d'un coup, le gueuler et vous filmer en selfie. Et comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Kevin. Ah, ok, cool. Alors, maman est dans la maison, les gars, Ah, ben il y a cette note vocale qui s'est coupée. Alors, il y a Ryan qui nous envoie ce soir, jus du cul et tic-tac-boom, s'il vous plaît. On verra si t'es sage, mon pote. C'est des nouveaux jeux qu'on fait le soir, là, sur Énergie. Je vous suis pendant mon service, Hicham, chauffeur Steve. Attention, Guillaume. Vous avez vu le match Akhisar standard au Bioulari? C'était vraiment sale ce qu'il a pris, le pauvre. Je suis vraiment, vraiment déçu de l'élimination, là. J'ai pas vu Standard être éliminé de l'Europa League là alors. C'est contre qui? Ils ont joué contre le club turc. On a dit le nom d'un truc, la Kassar, je sais pas quoi là. Attends, je vais regarder vite fait là. Hop là, je vais vite regarder online. Ah ouais, merde, si le Standard a perdu, mais non, ils doivent encore jouer le Standard, non? Le Standard doit jouer. Les gars, Mais Bioulari joue. Attends. Pourquoi ça, Bioulari? C'est un joueur de foot. Oh, mais. Ouais, toujours des nouveaux noms comme ça qui sortent de l'air. Est en train de faire 0-0 et le Standard, je vois pas le Standard. Ah ouais, le Standard a fait 0-0 aussi, ouais. Et contre qui? Contre Akçiş Belediye Spor. Je sais pas c'est quoi ça. Ah merde, il devait gagner pour se qualifier. Bon, en tout cas, le Standard a vachement mieux joué qu'Anderlecht déjà dans cette compétition. Hein. Alors Michel est dans la maison. Ah bah pas mal ça. Alors Antoine, ça dit quoi Antoine? Antoine est dans la maison. Ouais, pas mal. C'était mignon là. Encore un autre là. À nouveau. Gars, t'es dans la maison sur l'énergie. C'est sympa. Classique, ça passe comme ça, tranquille. Nathan, il dit que ouais. Nathan est dans la maison. Ouais, oui. C'est en cachette, on va dire. Darlan, alors. Darlan, elle est où? Ah. Ah. Ah, malheureusement, il a son téléphone, voilà, c'est un 3210. Son téléphone, je sais pas où il est, mais. C'est un vieux Nokia, malheureusement. Salut les Tarlouses. Non, c'est raté, malheureusement, c'était pas ça. C'est raté. Pas 15. On me refait les jingles. Mon pire cadeau, c'est que j'ai reçu un livre pour faire du français. Ah! Oh, c'est vraiment pour se foutre de ta gueule, ça. Quentin? Quentin est dans la maison. Oh, c'est mignon! C'est mignon. Je suis qu'au début, hein, parce que quand je vous dis pas tous les autres messages qu'il y a, je vais galérer. Hein. Yes, she is in the house! Oh my gosh! Oh yeah! Hey, ça passe en tête, ça. Ça passe en tête. Là, il s'est passé quelque chose. Hein. Comment ça s'appelle? Essie, attention. Yes, she is in the house! Oh yeah! C'est groupe dans la maison! Sur Énergie, Tommy! Tommy est dans la maison! Et il est passé hier en plus à Pigou est dans la maison! J'adore tout ce qu'on reçoit, on va jamais pouvoir tout passer! Pigou est dans son camion! Pas mal! Excellent ça! Pas mal! Ah, attention, j'en ai un petit dernier là! Anaïs est dans la maison! Mais voilà! Ça dans la maison. Ok, c'est bon. Ça marche. Ça fait toujours plaisir. C'est Dom, c'est son fils, c'est sa fille, je crois, qui nous parle. Le prochain qui fait dire ça, un chat, c'est bon, quoi. Il a gagné jusqu'à la fin de l'année. Des avis, on récupère Yacine dans le Standard. Allô, Yacine, est-ce que tu me reçois? Yacine, toujours dans la maison. Formidable. Mon pote, qu'est-ce que c'est que le cadeau le plus malaisant, bizarre que t'as eu là pendant la période des fêtes? Bah écoute, j'étais encore ado, je venais d'avoir 18 ans. Et là, c'était aux fêtes de Noël, j'étais gothique à l'époque. Ah, tu sais quoi, tu vas rigoler, mais j'ai aussi eu ma période gothique. C'est vrai? Heureusement, il n'y a aucune photo de moi qui traîne nulle part, ni sur un blog, Skyblog ou tout ce que tu veux. C'est sûr. Il n'y a plus rien, je suis toujours introuvable. Même si je cherche. Impossible. Moi, si, mais il y en a genre encore. J'arrive encore à en trouver deux, je crois. Mais alors, sinon, le reste, c'est mort. Parce qu'il faut se dire quand même, un tismé qui est gothique, c'est rare. Ouais. En fait, j'étais gothique malgré moi. Vous savez pourquoi? Je portais du cuir et des trucs dans le genre. Parce que j'étais fan de Matrix. Ah ouais. Je me suis acheté, tu sais, à Galerie Agora à Bruxelles, pour ceux qui connaissent, une longue veste en cuir, ouais, et je portais des lunettes noires, tu vois. Et donc, j'arrivais à l'école déguisé en Matrix. Enfin, en Mac. Ouais, si tu veux. Enfin, voilà. J'avoue qu'à l'époque, ouais, mais moi, c'était quand même un peu plus poussé en vis. Je m'étais fait des rajouts en résine sur les canines. Ah oui? C'était vraiment en mode empirique, quoi, tu vois. D'accord. Je tirais sur l'androgynie. Maintenant, j'ai plus du tout le physique pour ça. Tu tirais sur l'androgynie, c'est-à-dire? C'est-à-dire homme-femme, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as allaité jusque-là, carrément. Non, ouais, mais le look androgyne, quoi. Oui, le look, bien sûr. Tu mettais des 666 partout, en fait, aussi. Des étoiles, de satin. Ouais, on va dire que la croix renversée a encore beaucoup de place encore ici. J'ai encore toutes mes vieilles décos et tout. Enfin, c'était de l'abus. Maintenant, si quelqu'un veut voir, et ça, c'est la pire trace qui reste de moi, il y a un gars, un Français, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait « Ce soir, j'irai dormir chez vous ». Ouais. Où le gars, bah, il parcourt le monde et va de ville en ville, de pays en pays. Ouais. Et oui, Antoine. Et qui t'invite chez, voilà, Antoine de Maximy. Tout à fait. Et en fait, sur ce soir, j'irai dormir chez vous en Belgique, à un moment, il passe à Binche. Et ce soir-là, j'étais là, en tant que DJ, à Binche, occupé à Mixen soirée. Cool. Et je suis celui qui a la plus grosse gueule, franchement, même tous les jours, aujourd'hui, mes potes, à chaque fois, ils font, putain, mais c'est toi, en fait? Non, moi, j'ai jamais fait ça, non. D'accord, c'est une émission, il quoi. Il est passé dans l'émission, cette émission est géniale. Exactement. Eh ben c'est énorme, ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce que c'est, quoi? Parce qu'on en revient du coup au pire cadeau bizarre, là, c'était quoi, alors? Voilà. Eh ben, à cette époque-là, ben, j'étais allé au repas de Noël en famille. Et mon ex-belle-mère était un peu tirée vers les croyances et tout, machin. Et elle me vouait le mal, quoi. J'étais le diable avec sa fille. Elle était pas bien, quoi. Et elle m'a offert un grand poster, comme ça, qui est en fait une ligne du temps de toutes les croyances religieuses et philosophiques de tous les personnages importants, autant les prophètes que les grands philosophes. Donc ça part de Luther King à Mohamed et autres. Voilà, t'as tout dedans. Ouais, elle m'a laissé ça, mais avec un grand sourire. J'étais vraiment mal, quoi, parce que ça voulait dire. Tu l'as pris comme une attaque. Non, ça me donnait vraiment l'impression de. D'être bizarre. Je veux choisir un truc, quoi. Ouais. Putain, ton histoire est grande. Non, elle a vachement réfléchi. Moi, je trouve que c'est un gars. Elle s'est dit, je vais essayer de lui filer quelque chose qui est dans son délire. Bah donc, oui. Un délire de psychopathe. Voilà. Et du coup, elle a plus ou moins réussi, quoi. Bah, c'est ça. Et le cadeau, il t'a pas plu alors. Tu t'es dit, hein, mais elle m'offre ça parce qu'elle me trouve bizarre, c'est ça? Ah, mais si, je l'ai encore dans les chiottes. Pourquoi pas? Cadeau dans les chiottes, si tu veux, ouais. Non, il est affiché sur ma porte et tous les jours je le vois, mais du coup j'en ai appris là-dessus. À part savoir quand est mort Jésus, Abraham et tout machin, j'en sais rien de plus. Hein. D'accord. C'est déjà bien. Ça m'a rien apporté, quoi, tu vois. Bah, t'apprends des trucs au moins. Bon, en tout cas, Yacine, on te remercie, mon pote, et si jamais tu vas sur WhatsApp. Hein. Bah oui, de fils, j'ai envoyé plusieurs messages. Et envoie-moi la photo de toi en gothique sur WhatsApp. Écoute, ça, bah ouais, pour ça, il faut que je load la vidéo et tout machin. Mais déjà, tu fais un screenshot, merde. C'est ça, tu fais un screenshot, puis tu m'envoies. Ouais, ça va. Ça va, super, Yacine. Et je te remercie, mon pote. Hein. Mais de rien. Allez, au revoir. Ta voiture, elle est moche. T'as dit quoi? Tu pourrais dire à Thibaut que sa voiture, elle est pourrie. Je te dis pas, un jour, on a dû rouler jusqu'à Bastogne. J'ai l'impression que sa voiture, elle se démolir sur la route. On fait ce qu'on peut avec un salaire de standardiste. Hein. Ouais, c'est vrai, effectivement. Voilà. Donc, bientôt, il va rouler en trottinette, quoi. Si, comme ça, il sera vraiment égal à son statut. Je te fais un gros bisou, à bientôt. Oh, ouais, bisous. Ciao, Yacine. Bye bye. On a un autre auditeur qui est avec nous en ligne, là, dont je connais pas le prénom. Je crois que c'est Dom qui est là. Allô, Dom? Dom est dans la maison! Sur Énergie. Dom, on part avec toi dans quelques instants. Ça va, Dom? Tu restes avec nous? Ça va, y'a pas de soucis, Vince. Splendide, ne bouge pas. Avec instant. Et dites-nous quels sont. Adieu, c'est gratuit. Dites-nous quels sont, les amis, les cadeaux bizarres que vous avez déjà reçus. Toi, Lara, un cadeau genre pas bizarre, mais. Ah oui, j'ai reçu. T'en avais rien à foutre, quoi. Un zizi de secours. Parce que c'est une blague. Je te promets. Ah quoi, un god, tu veux dire? Mais en fait, pas du tout. Et c'était. Un zizi de secours? Oui. À mon anniversaire, quand j'avais 13-14 ans. Quoi, en plus, à 13-14 ans, mais qui t'a offert ça? Il y a un copain de ma classe qui m'a offert un zizi de secours, c'est-à-dire un mini zizi de 7 cm dans du formol. Du formol avec une étiquette dessus et marqué zizi de secours. Attends, mais du formol, c'est-à-dire que c'était un vrai zizi? Non, mais je sais pas. Enfin, c'était style, quoi. Un espèce, c'était un gadget, quoi. Ouais, c'était vrai c'était bite, quoi. Comme si t'avais un zizi à l'intérieur et c'était marqué sur l'étiquette zizi de secours. Je peux te dire que quand je suis rentrée avec à la maison, ma mère était vachement contente de mon cadeau. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais moi, je vais retrouver la personne qui t'a offert ça et je vais me demander, il y a un problème. Non, mais je suis sûr, en fait, c'est le marrant, mec, il s'est juste. L'humour. Et il s'est juste coupé la bite et il l'a offert à la rein. En plus, c'était. Le côté psychopathe. Tiens, si jamais un jour t'as un petit creux, n'hésite pas. Et puis toi, Nigel, c'est quoi le cadeau Mais franchement, moi, j'avais une tante à moi. À chaque Noël, elle m'offrait des trucs genre pour me laver. Genre vraiment, elle avait rien d'autre à m'offrir. Eh, franchement, je t'ai pris ça, nouveau truc Axe et tout, ça sent hyper bon. Mais attends, shampoing, parfum et tout. Mais vas-y, quand ça pue la ado, merde. C'est un truc, ça coûte 5 euros, tu t'en bats les couilles. Bah, c'est le geste qui compte. Mais ouais. Non, donc ça, et aussi une fois, on m'a fait croire que j'allais avoir une PS4 et à l'intérieur, on m'a mis une pomme. Comme dans les vidéos, ouais, c'est dégueulasse. Ça, c'est horrible. Tu m'as donné une bonne idée, tiens, je vais faire ça à mon beau-frère. Ça va être sympa. Mais tu là. Sais que ce soir-là, là, j'ai détesté tout le monde. Hein. Non, mais je peux comprendre ça, c'est normal. Vous avez tous fait enculer. Les amis, voici Louane avec Julien Doré. Midi sur novembre. Et le soleil peut t'attendre. Dites-nous, c'est quoi les cadeaux les plus malaisants que vous avez reçus à la période des fêtes sur toi. On arrive tout de suite sur Énergie. Let's go. Je me fous de ce que tu penses. Moi, je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La pire en temps désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be fine. We'll be sur novembre, et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be. Et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Disponible H24 pour t'aider. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. On est là, la team, on est là, la famille. Merci à vous d'être connectés avec nous, tranquillou, là. Merci à toi. Tout le squad est là, la friend zone, c'est ce qui va débarquer sur Énergie. Ouais, la friend zone. Ça arrive dans quelques instants, là, tranquillement, mais sûrement. Give me five ce soir, le kiff ta sœur. Et puis, on a également un kiff ta sœur qui est un jeu qui, d'habitude, est. Enfin, parfois il kiffe ta mère, parfois il kiffe ton père, parfois il kiffe ta copine. Parfois il kiffe ta grand-mère aussi. Bah, oui, c'est vrai, bah, là c'est kiffe ta sœur. D'ailleurs, il y a un kiffe ton pote, kiffe ta copine là, qui est disponible sur YouTube, les amis. Allez le checker, il est évalué il y a quelques minutes là sur le site Énergie, sur le YouTube d'Énergie. Yeah. Énergie Belgique, c'est ça, la chaîne Énergie Belgique. Allez, Mathé, c'est un kiff ta copine, mais alors là, ça a explosé, c'est parti de ouf. Je m'en suis mêlé, Lara s'en est mêlée, on s'en est tous mêlés dans le délire. Allez voir ce petit moment là, très sympathique. Et puis n'oubliez pas qu'on a deux nouveaux délires qui sont arrivés dans l'émission. Le jus du cul, d'ailleurs, je remercie. C'est vraiment un jeu qui s'appelle le jus du cul. Pas le jeu du cul, c'est jus du cul. C'est jus du cul. J-U-D-U-K-U. C'est le jus du cul. C'est une bande de potes qui ont fait ça. Et je les salue. C'est des Français. Ils m'ont envoyé le jeu. Et on a testé ça hier. Et c'est parti en couille totale. Ouais, c'est drôle. On n'a pas respecté les règles. Mais c'était à mourir de rire. Et Lara, elle a galéré. Comme elle galérait. Je veux plus jouer. Non, j'aime pas jouer. Et puis également le tic-tac-boom, là, les amis. Vince, que Dom Dom, il répond. Bah non, il répond plus. Hein. Par contre, si vous connaissez des fous, un peu, des gens qui décrochent toujours leur téléphone et qui on peut faire des blagues, eh ben, il faut pas hésiter à proposer. Coucou à Darlan qui est connecté, à Yondel aussi. Vince, le Noël dernier, tout le monde avait reçu des trucs trop cool, sauf moi. J'ai reçu un livre sur l'histoire de la monnaie. Ah, ben c'est bien pour plus ça, tard. Ça, c'est quelqu'un qui avait ça dans sa bibliothèque. Ouais, ça sûrement. Dit, allez, je l'emballe, c'est il quoi, est encore neuf. Ni vu ni connu, tac, je le balance, tranquillou. Il y a encore le prix dessus, c'est bon. On parle des pires cadeaux, les amis. Thibaut, je me retourne vers toi. Est-ce que toi, t'as déjà eu un cadeau? T'étais trop déçu à Noël. Bah, pas déçu, mais j'étais surpris. Ma grand-mère m'a acheté des menottes coquines. Des... wow. De la part de ta grand-mère? Ouais, ouais, on était en Espagne et tout, et on était rentré dans un magasin et tout, et je la vois ressortir avec des menottes coquines. Elle m'a fait, tiens, c'est pour toi et ta copine. Ouais, elle voulait surtout que tu baisais par rose et tout ça. C'est un peu malaisant, mais sinon c'est marrant en fait. Quand c'est offert comme ça par ta grand-mère, t'imagines, c'est... ta grand-mère, elle te demande de la ken. Oh, c'est 21h30. C'est clairement la demande qu'elle lui a faite. Hein. Mais non, c'est une manière de dire voilà, mon petit-fils, j'ai envie d'être arrière-grand-mère. Ouais. Toi. Après, elle va surtout prendre les menottes, elle va l'attacher au bord du lit, elle va dire ah, j'ai perdu les clés, Thibaut. Oh mon dieu. J'ai plus de dents, il paraît que c'est très agréable. Ça va, c'est jeudi, on pète les plombs, ça y est. Ah non, mais complètement là. Il paraît que sucer sans gencive, c'est bien. Ah, ce là, sans gencive, sans dents, tu veux dire? Parce que sans gencive, c'est chelou. En bref, il va 21h30, on y va mollo là. Et dis un truc que t'as reçu, toi, qui t'a déçu là pour Noël. Ah, ben moi, c'était de mon père. Il avait acheté un paquet de. Je crois qu'il y avait 100 piles dedans. Ouais. Genre des piles AA. Et en fait, c'était encore les piles à 1€, donc, et aucune qui fonctionnait, ça servait grave à rien. Et il était super content, il l'avait emballé et tout. Il fait ouais, c'est la première fois que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. Ah bah merde. Moi j'avais 18 ans, il a improvisé de la merde. Et je faire des piles. Je voudrais savoir, est-ce que je suis le seul, est-ce que je suis seul qui a vécu un truc comme ça, où en gros, il y a ta mère qui vient et qui dit tiens, c'est de la part de papa et maman, mais en vérité le cadeau il vient de maman, tu vois, il y a pas. Bah de... ouais. Ah ouais. Et tu sais, t'as toujours le père qui dit ouais, c'est de la part de papa et maman. En fait non, c'est ta mère qui a été acheter le cadeau, qui a fait tout le truc et tout là. Ah. Dites-nous. Coucou à Dadabs qui est connecté, à Damien. Allez, Damien il est de retour là. Damien avait dit une bêtise hier à l'antenne là, et c'est bon, on l'a pardonné Damien. Hein. C'était même pas sur nous, c'était sur une auditrice. Franchement, vous êtes les meilleurs, vous animez mes soirées jusqu'à minuit passé, insomnie-vie. Je vous écoute en étudiant et en lisant, je vous adore plus que tout. Eh ben merci, ça fait vachement plaisir. Ouais, big up. N'hésite pas à donner ton prénom, hein. Dis-nous comment tu t'appelles et tout ça là. Et on est également connecté là sur. C'est Lolo Cucu qui est connecté et qui nous écoute actuellement depuis sa voiture, tranquille là. Bon, on va parler avec Dom là dans quelques secondes. Avant ça, je vous rappelle, la Friendzone va débarquer. On va accueillir Patty avec qui on va discuter aussi, John pour la Friendzone. Et on a quand même pas mal de conneries à faire là ce soir sur dans l'émission, les amis. Welcome, Vince, c'est dans la maison. C'est exactement ça. Par contre, juste un truc, ouais. Tic-tac-boom, c'est pas maintenant, c'est tout à l'heure, hein, parce qu'il y en a plein qui disent quoi, tu le lances maintenant. Non, non, pas du tout, c'est après. Hein. Sachez-le, on y joue ce soir. Ce jeu, mais laisse tomber. Tout le monde le demande sur le WhatsApp, c'est un truc de dingue. Hein. Numéro WhatsApp, Richard. C'est quoi, Richard? 0492-222-002. Allez, on arrive tout de suite. Vince, 21h, minuit, sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500€ cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500€ cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78. Et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1€ par SMS envoyé et reçu. Sound 2 a.m. low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now.

merci pour vos notes vocales que vous envoyez comme d'hab le soir là. Franchement, ça me fait plaisir les amis. Merci à vous. 0492 222 002. C'est notre petite manière à nous là pour garder une certaine proximité pendant le live de l'émission, n'est-ce pas? Par exemple, cette personne qui m'a envoyé ce message là. Vince dans la maison, Leïla est dans la maison, hein, sur Énergie. Voilà qui fait plaisir. Let's go. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Merci Antoine. Le mec qui m'envoie n'importe quoi là. Et le mec il souffle dans son truc, il se dit hey, on va voir s'il va le passer son, le son là. Bah putain, oui Antoine. T'as voulu passer une belle note vocale et il y a de la merde qui est passée. Ouais. Je les prends au hasard en plus. Hein. Merci Alvaro là. Franchement vous êtes une radio. Vous êtes au top niveau à chaque fois là que je pars travailler. Je vous écoute et vous me faites vraiment bien rire. Continuez comme ça. Je vous kiffe trop. Bisous la Mifa. Merci pour ce message. Ahmed qui le dédicace à tous les Albanais et surtout à vous. Merci pour le message. Dédicace. Et reçu par Lara bien entendu. Hein. Excuse-moi. T'as dit quoi, Shqiptar? Shqiptar. Ça veut dire quoi? Albanais. Ça veut dire c'est un Shqiptar? Oui. Ah, je découvre des choses, merci. Shqiptar la nuit, toi. Vince pourrait faire une... Shqiptar la nuit. Bonsoir, Vince pourrait faire une édicace à ma petite famille de biquettes et une bise qui pète. Bah voilà, le message est passé aussi, là, tranquille. Logan qui me dit, Vince, je voudrais faire une blague à ma marraine, s'il te plaît, là, la part de Logan. Dans la maison. Bah écoute, on note, il n'y a pas de problème. Hein. Vince, j'espère avoir une revanche du tic-tac-boom avec Nigel. C'est ce qui m'a été envoyé là. Et Kevin, il me dit quoi là, Kevin? Hey, gamin! Gamin! Ça, c'est pour rire! Tu vas pas rester tout seul dans ce bois, gamin! Viens! Il y a la fête sur Énergie de 21h à minuit. Oh, dommage, j'ai plus à faire du message! Oh, dommage! Oh, c'était trop cool! C'était pour rire! Oh, c'était bien! C'est pour rire, gamin! C'est dans la maison! J'adore vos messages, franchement c'est cool. Bon, Dom qu'on récupère là. Salut Dom. Salut Vince. C'est bon là, Dom est dans la maison. Arriba. Alors Dom, c'est qui nous envoie toujours des petites notes vocales avec ton WhatsApp là? C'est mon fils. Oh, c'est tellement mignon. Il a vraiment une voix de meuf. Non mais attends. Il est petit, il a quel âge? Normal, il a 3 ans. Bah voilà. Quelle pute. Oh, c'est... Nigel, purée. Je suis désolé, Dom, vraiment, je m'excuse. Ça va pas. Y a pas de soucis. Non, mais il a pas dormi. Y a pas un auditeur qui ne s'est pas fait insulter par Nigel. Non, hein. Mais attends, mais il a 3 ans, lui petit. Mais attends, il a pas dormi, Nigel. En fait, là, il est en roue libre. Ah, mais c'est pour ça, ouais. Il a trop de. Tu sais, de. L'hormone, là. Qui... Oui, je sais pas, de la merde. Ça s'appelle comment cette hormone, là, quand t'as fait le sport et tout, là, quand t'es fatigué? L'endorphine. Le mec, il a tellement d'endorphine, on dit. Il va... Oh, c'est mignon! Voilà qui te chante, je vais retrouver en plus. T'as vu, je peux le jouer quand je veux maintenant. Vince. Ah, ça, c'est moi qui le joue depuis ton WhatsApp. Hein. Dis-moi, vas-y. Attends. Bah, attends. Oh, voilà. Quoi? Vince dans la maison. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on craque comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Enfin, moi je craque parce que voilà, étant donné que je suis papa de 2 enfants, ça me touche et je pense à mes enfants. Lara parce qu'elle a, voilà, elle est parrain. Oui, parce qu'elle est parrain de mon fils. Ouais, Lara, je suis parrain. Elle est pas marraine, elle est parrain. C'est pas une blague. Hein. Lara, c'est un bonhomme en vrai. Voilà. Et puis Nigel, il s'en fout parce que Nigel, il veut pas d'enfants. Ah moi, je m'en bats les couilles. Ah oui, c'est ouf. Mais vous êtes des fragiles, ouais, parce qu'il y a un enfant. Je peux pas comprendre tellement c'est touchant. On s'en bat les couilles. Ouais, ok. L'autre dit, Vince, c'est dans la maison. On s'en bat les couilles. Moi aussi, je vais le faire. Voilà, bon, juste le. Coucou Amo qui est connecté. Kaelia aussi, là. Vince, c'est dans la maison. Merci, Kaelia. Tu vois, c'est gentil. Elle aussi, elle se fait Vince, bon, dans la maison. Les gars, le sujet, c'est pas ça. On a la friendzone qui arrive. Mais d'abord, quand même, Dom, explique-nous, mon pote, c'est quoi le cadeau bizarre que t'as reçu, toi? Yeah. Voilà, moi, mon frère, il m'a offert pour mon anniversaire un slip. Le genre de truc que tu peux t'acheter toi-même, tranquillou. Mais non, mais arrêtez avec non, ça. Non, c'est mais la non, merde. Mais là, je suis super contente quand je reçois des chaussettes à Noël. Hein. Mais c'est casse-cou. Ah, des chaussettes, mais c'est vraiment manque d'idées. Non, mais j'adore. Parce que les chaussettes, il faut avoir du style. Il y a des chaussettes, il faut savoir les accorder et tout. Hey, c'est un accessoire important, la chaussette. C'est vrai. Nigel, il a des chaussettes. Surtout qu'on est dans une. Et je sais pas, oui, il y a des chaussettes. De compétition. Mais bien sûr. Dès qu'il lève son. Il fait exprès en plus de. Surtout que maintenant, la chaussette est repassée au-dessus du pantalon. Je suis dans la tendance. Maintenant, les chaussettes, on les voit beaucoup mieux. Le pantalon, il est pas. La chaussette n'est pas passée au-dessus du pantalon. Le pantalon pend, mais la chaussette est visible. Ouais. Sur un pot de pêche, ça fait genre un an que ça revient un petit peu le look et tout. Parce que je me rappelle, je faisais ça quand j'avais 11 ans. Et puis après, je continue à le faire et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Je me dis, bon, on va mieux que je cache. Et là, je vois, ça y est, on remonte les chaussettes. Ouais, c'est comme ça. Et ben, toutes mes chaussettes avec des bananes et des trucs de cannabis, et ben, je vais les mettre. Tu as des belles chaussettes aussi, toi. Oui, je vais souvent. ventre, c'est vrai, ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Et donc c'est important, mais par contre, c'est important de soi-même choisir ses chaussettes. Quand on t'offre des trucs, voilà, c'est bah, bon. Mais pourquoi pas? Surtout les chaussettes de sport, quoi. Moi, j'ai une question. On dirait que vous êtes genre blasé quand vous recevez un cadeau qui est pas cher. Bah, si tu m'offres un cadeau qui coûte 3 euros, nique ta mère! Mais parce que je sais pas, offre-moi un truc qui va me servir à quelque chose! Bah, ou alors donne-moi 3 euros en cash! Bah oui, c'est ça! Bah ouais, donne-moi 3 euros en cash! On va s'acheter un petit Kinder Bueno vite fait, tu vois! C'est meilleur comme cadeau de Noël, un Kinder Bueno ou des chocobons plutôt qu'aller se ramasser des chaussettes encore! Mais c'est ça, j'ai déblasé! Ou la cravate! Non, mais sérieusement, tu m'offres une cravate, je te prends avec! Mais franchement, la cravate, tu la prends, tu l'accroches à ta teub et tu tires dessus! Voilà! Tu sais que vous allez rien recevoir, en fait! Non, mais c'est déjà bien parti, hein! Enfin, vous êtes. Bah quoi, mais non, mais c'est tout, j'en ai en avoir de ces cadeaux là. Tarek est dans la maison. Oh, energy, motherfucking, what's up, man? Oh, yeah, that's what's up. C'est le deuxième, lui, après l'enfant. Il a bien joué, ça donne le vocal. Coucou la mif, moi, je me rappellerai toute ma vie, c'était la Noël, on a fait la cacahuète. Et là, chacun offre un cadeau à quelqu'un. Et moi, en fait, j'étais enceinte de ma grande et je reçois une salopette de grossesse. Donc, pour moi, c'était pas un cadeau idéal, parce que voilà, la grossesse, c'est juste 9 mois, c'est pas pour l'éternité. Et voilà, ça m'a vexée, je n'aimais pas. Mais non. Voilà, c'est normal, je peux comprendre. Mais t'aurais pu l'offrir à Nigel après. Mais ouais, c'est ça, non, mais lui, je pense il a surtout pu la mettre toute l'année. Moi, je pense que ses potes, ils pensaient surtout qu'elle allait rester grosse, hein, c'est tout. Oh, non, mais tu vois, les gens sont jamais contents. Alors, je suis d'accord, c'est le geste qui compte, je suis d'accord. Mais à un moment donné, le geste qui compte, mais chaque année. Pendant 30 ans, tu peux pas accepter le geste qui compte tout le temps, la même chose, tu vois. Moi, ça me dérange pas, c'est quoi, moi, je m'en fous de recevoir des cadeaux, je veux voir les gens que j'aime bien, je m'en fous. Oh, c'est beau, tu ça. Tu m'offres, je sais pas moi, une bougie ou rien du tout, je sais pas, je m'en fous. Tu fais quoi d'ailleurs à Noël? Je sais pas. Je suis en famille. T'es en famille. Mais c'est un peu le but. D'accord. C'est vrai, ouais. Ok, bon. Enfin, je suis pas avec vous, quoi. C'est tout. On passe bien toute l'année ensemble, merci. Nigel, tu vas où? Tu vas au bled, toi? Ouais. Ah, donc, tu seras en famille, alors. Je suis en bled blocus. Bled blocus, exactement. Et toi, tu es avec qui? Ouais, moi, en famille aussi. Hein. Sérieux? Ah, ouais, attends. T'es avec famille? Ah, bah, sans déconner, putain. Putain, je pensais. Je suis un peu père de famille. Mais c'est Vince, la famille. Voilà. Oui, c'est ça que je me demandais. C'est ça, la team, le squad. C'est comme ça. Ah, c'est toi, putain. Voilà, exactement. Tu fais genre, je pense que tu m'avais dit l'autre jour que genre tu le fais en mode super chic et tout. Ouais, ça c'est parce que madame elle oblige. Hein. Ça elle me fout si j'ai pas chic. En robe de soirée et tout, robe longue et tout. Hein. Ouais, robe soirée et tout. Moi c'est chemise et je déteste mettre des chemises. J'ai horreur de ça. Pourquoi? Mais là je dois remettre. Parce que j'aime pas les manches là, quand ça te serre et tout, le pantalon serrant et tout. Je préfère le bon vieux training. Bah, quoi que, maintenant t'as perdu 14 kilos, bénéf. Hein. C'est vrai, c'est beaucoup mieux maintenant. Je vais pouvoir remettre des trucs là, ça va plus me serrer. Tu vas voir sur Instagram toutes les photos qu'on va avoir de toi en chemise. Ouais, bon. Dom, mon pote, j'espère que tu vas recevoir autre chose que des chaussettes cette année. Ouais, j'espère aussi. On te le souhaite, mon pote. On te fait un énorme bisou et quand tu veux, t'es le bienvenu. Vous êtes des pourris gâtés. Ah, pas de soucis. À bientôt, ciao, Dom. Bye bye, mon pote. C'est ça, voilà, génération bye. Y. Ouais, j'espère qu'il aura des préservatifs pour plus avoir d'enfants. Il est dans la mue, lui. Pour moi, la Noël, le plus important, c'est d'être réuni en famille. Ça, c'est bien, ouais. Non mais ça, alors à la rigueur parce qu'on me demande Vince, toi c'est quoi le cadeau? On m'a posé la question, le cadeau le plus naze que j'ai reçu. Bah le cadeau le plus naze c'est est-ce que c'est la bouteille de rhum que je t'ai offert? Non. Et non pour preuve, c'est pas du rhum, c'est du Porto. C'est du Porto, c'est vrai. Que tu m'as offert. Elle se souvient même plus qu'on lui a donné. Non, c'était un test. Et cette bouteille va durer 5 ans, même plus. Et c'est très bien. Parce que je crois que depuis que tu me l'as offert pour mon anniversaire, j'ai bu un verre. Ah bah c'est vrai. Bien, et encore un petit verre, un petit fond. C'est pas censé être alcoolique. De quoi? Mais après ça, tu peux plus le boire. C'est une grande bouteille. Mais bon, si. Bah comment ça? De l'alcool, ça se garde. Sérieux, ça se conserve? Ouais, c'est pas comme ça. C'est comme du miel, tu peux le tenir longtemps. Enfin, ça dépend où tu l'achètes, mais. En soi, t'es donc. Voilà, le cadeau le plus naze que j'ai reçu, on pose la question. Je crois que c'est une télécommande, ça restera gravé. Une télécommande universelle, c'est sérieux. Génial. C'est sérieux. Mais c'est super. Non, mais ça veut dire. Et pourquoi? Bah, parce que t'es souvent devant là. Je m'en fous. Mais c'est génial, tu peux remettre toutes tes télécommandes en une. Mais non, parce que je regarde plus la télé, donc du coup, je me suis dit pourquoi tu m'offres ça? Je regarde plus la télé, une télécommande. Proximus, c'est des télécommandes. Offre-moi si tu veux un jeu PS4, là on parle. Voilà. Ouais, mais à l'époque, si on t'offre un jeu PS4, tu vas dire ouais, j'ai déjà. Vous êtes jamais content. Non, je te jure, je kifferais trop. Moi, tu m'as Football Manager 2019, je serais trop content. C'est vrai, tu Football Manager. Ouais, grave. Vas-y, si tu veux, je te l'offre pas. Ah merde, super. Bah, je vais aller sur Amazon tout seul, alors, avec ton compte. Ah et, merde. Et voilà, login, mot de passe, t'inquiète pas, on connaît. Mais non, sérieusement, sinon, un cadeau vraiment pourri que j'ai reçu, c'est. Ouais, si, tu reçois le coup de la boîte, et la boîte, ouvre la boîte, il y a une boîte, puis il y a une boîte, puis une boîte, puis dedans, il y a. Haha, désolé, il n'y a pas de cadeau, c'est juste qui compte. Ah ouais. Alors, du coup, moi, je lance ma boîte et je la lance dans ta gueule, tu vois. Est-ce que vous recevez des fois des habits, mais genre trop mal choisis pour vous? Ah ouais. Mais comment tu fais? Tu fais, ah oh, merci, j'adore, super. Moi, ce qui est relou, c'est quand tu reçois quand tu reçois un habit et que tu vois que ça correspond pas, alors la personne te dit, tu peux toujours te le faire rembourser. Ouais, moi, je dois aller me déplacer jusqu'au magasin parce que. Ah là là. Eh, mais ça, c'est un bon prétexte pour récupérer de la thune. Hein. Grave. Enfin bon, c'est vrai que on en parle. Un échange et pas un remboursement. On en parle et tout ça, mais le plus important, quoi qu'il arrive, il n'y a rien à faire, c'est bien sûr d'être en famille, ça. Eh oui. On ne va pas changer cette règle. Hein. On n'a pas dit dans le standard. Ah non, on n'a pas dit. C'est pas dit qu'on essayait d'avoir, mais on a John par contre. Salut John. Salut. Yo, John est à la maison. Sur énergie. Bonsoir John, comment tu vas? Ça va, ça va. Est-ce que la vie est belle, John? Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ah. Ouais, ça va. John, tu viens de quelle ville, dis-moi? Sur énergie. Ah, de Liège. Ah bah tiens, là encore. La coche c'est de l'eau. Hey, la coche c'est de l'eau. Hey, la coche c'est de l'eau. Hey, la coche c'est de l'eau. La coche c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Et si tu es avec nous ce soir sur énergie, c'est parce que tu veux participer à quoi, dis-nous? À la friend zone. Je suis dans la friend zone. Zone, zone, zone. Eh oui. Bloqué dans la friend zone. John, on est là pour t'en faire sortir. Je suis destiné à me masturber toute l'éternité. Mais peut-être pas, les amis, voici Rita Ora avec Anywhere. Qu'est-ce qui se passe, Nigel? Qu'est-ce qui est chaud et qui attend? Je ne sais pas. La Frenchone. John, reste avec nous pour la Friendzone, mon pote. Il va appeler une fille qu'il aime bien et il va tenter de sortir cette Friendzone. On espère que ça marche. On va y croire, on va croiser les doigts. Let's go. Quand tu sais pas quoi faire. Dès 21h. C'est chelou. Il y a toujours quelqu'un pour te faire passer une soirée de ouf. Vince sur énergie. 21h minuit, oh, tous jingle. Les soirs. Oh là là. Vince est sur énergie. Oh mais des jingles comme ça, mais moi je kiffe. Hein. Hey, c'est pour tous ceux qui sont en secondaire là, les amis, c'est bientôt vos vacances. Oh, bientôt la fin des examens, bon courage à vous tous ceux dans le secondaire là. Oh my God. Allez, tout de suite la friend zone. On récupère John. Est-ce que John me reçoit 5 sur 5, John? Yo. Ah, splendide. John est toujours dans la maison, il vient de Liège. John, il va faire la friend zone ce soir, il va tenter d'en sortir. John, alors en fait, c'est Patty qu'on va appeler. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Patty est dans le standard. John, en gros, t'as une petite relation amicale avec, Patty, là, pour l'instant, c'est bien ça? Oui, une petite relation amicale, mais on est meilleurs amis, en fait. D'accord, depuis combien de temps, maintenant? J'en fais 5 mois. 6 mois environ. D'accord, et t'as quel âge, John? Oh, j'ai 31 ans. 31 ans, félicitations, mon pote. Non, félicitations. 32, excuse-moi. Ah, c'est pas grave, t'es en 86, toi, alors? Ouais. D'accord, pourquoi tu rigoles? Je pensais qu'il avait 13 ans, mais ah putain, mais c'est pas cool. Va dormir, Nigel. Putain. Oh là là. Va faire une sieste. Allez, grâce à Nigel. John, Patty, c'est genre que, comment ça se passe ta relation avec elle? Vous parlez souvent, pas souvent, par oui, message? Parle souvent, hein. Vous on voyez parle, tout on se voit via la cam, en ville et tout ça, et voilà quoi. Tu l'as rencontré comment, Patty? À la cave. non, la caméra. La cam, comment? La cam. Ah, c'est encore ça. Ah, vous vous êtes rencontrés via cam? Oui. Ah d'accord, ok. Via sur quoi? Sur chatroulette ou ça? Sur Messenger. D'accord, ok. Ah donc ça existe encore des trucs de je t'ajoute sur Messenger, viens on fait un festin. Bah oui, pourquoi pas, bah, bien sûr. Il y a plein de gens qui se rencontrent comme ça. Respecte Nigel, putain. C'est ça. Je m'en bats les couilles, je vais pas rencontrer sur Messenger. Et donc du coup John, c'est comment? Elle t'a trouvé sur Facebook? Toi non, tu l'as trouvé? En fait, c'est grâce à mon meilleur ami. Issam de Liège, que vous connaissez bien. Ah bah oui, auditeur très fidèle. Ah bah ouais, bah c'est bon, ouais, en PLS là. Big up à Issam de Liège. Arrête, big up Issam. On salue Issam de Liège, il écoute là ou pas Issam de Liège? Ouais, il écoute. Un de mes plus vieux auditeurs, hein, je tiens à préciser. Ouais, hein. Ouais vraiment 10 le plus ans. Vieux. Started from the bottom. Ça fait 10 ans. Oui, Issam. Bon, très bien. Et donc du coup, on en est où là? On en est que t'as rencontré cette fille, vous êtes parlé et ça a été jusqu'où jusqu'à maintenant là? Ça commence à être... Des sentiments, je la regarde, mais elle me regarde pas, mais elle me dit que, qu'elle m'aime bien, mais voilà, ça va pas plus loin, quoi. Mais on va savoir. Dans la friend zone. Mais il est dans la friend zone. Il y a Laurent, pourquoi il y a Laurent de Sora qui m'envoie sur WhatsApp? Oula, je sens un grand moment. Je l'ai encore cassé. Génération MSN. Vince, moi je suis resté dans la friend zone pendant 7 mois et aujourd'hui ça fait un an que je suis avec. Et félicitations. Bravo. En tout cas. Hein. On était bons potes et on se voyait tout le temps et faisait tout ensemble. Au moment où j'ai perdu espoir, elle est tombée dans ma vie. Ce qui fait passer une très bonne nouvelle, ça. Hein. Bon, formidable. John, on va l'appeler. On va pas dire que c'est la radio. Tu vas lui avouer tes sentiments en direct. Tu lui dis surtout pas que c'est la radio dans un premier temps. Et selon la réaction qui va se passer, si jamais elle est d'accord d'aller plus loin, eh ben on ne s'en mêle pas. Si par contre elle dit mais non, mais jamais de la vie, c'est pas possible. On dit que c'est une blague à la radio pour que on ne casse pas votre relation. Ça va? D'accord. Allez, c'est parti. On appelle. Bon courage, mon pote. On fait maintenant ou on le fait après? On en fait le faire maintenant, t'inquiète. Vas-y, on le fait maintenant alors. Je pense que ça va être rapide. Ok. Elle raccroche pas avant. Attention. On y va. Quand vous le sentez, les auditeurs, là, oui, allô, bonsoir. Oui, salut. Patty, comment tu vas? C'est énorme. Allô? Oui, c'est moi. C'est une messagerie vocale, ça. John. Qu'est-ce qui se passe, John? Ah non, putain. Allô? Voilà, oui. Je voulais. Te téléphoner ce soir et voilà, je m'ennuyais un peu et je me disais que je t'appelais, voilà. Mm-hmm. Et je voulais te dire quelque chose, mais c'est un peu bizarre, tu vois. Et ça fait un petit temps et je voulais te dire quelque chose, en fait. Mm-hmm. Et c'est un peu difficile. Oui, dis-moi, mon amour. Voilà, je suis amoureux de toi en fait. Attends, mais c'est un téléphone rouge. Avec qui tu parles? Mais. Oui. Je parle à personne. C'est mon téléphone. Mais non. Oh putain, c'est parce que. C'est mon téléphone. C'est qui ça? C'est John. Non, c'est chez Patty, ça. Oh, mon Dieu. Allô. Oh, mais c'est quoi? Allô, ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Par contre, c'est pas une vanne, là. Non, c'est pas une vanne du tout, là. Allô. Attends, on s'en mêle.

Énergie le soir. Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Oh, et le soulagement, mais pas possible. Je. Oh. Ouais, si vous êtes arrivé sur Énergie, soyez les bienvenus. Je m'appelle Vince. 21h jusqu'à minuit. Enfin, minuit, on ment, bien sûr. On ne termine jamais à minuit. On termine toujours un peu plus tard. Il y a Nathan qui le dit, ils ont gagné la Troisième Guerre mondiale. Alors, je me permets de récupérer, dans un premier temps, John. D'abord, John. Allô, John? Oui. Ah, bah, John, franchement, tu nous as eu, mon vieux. Hein. Toi, ouais, et ton équipe. Ouais. Oh là là, là c'est vraiment une belle claque. Hein. Pour ceux qui l'ont pas suivi, belle John claque, passe pour la, dire, ouais. Ouais, John passe pour la friend zone. Et en gros, il veut faire genre qu'il veut sortir avec Patty, une pote à lui. Sauf que dès qu'on a Patty au téléphone, on entend quelqu'un qui prend le téléphone et qui la bat et qui fait semblant de la taper, etc. Ah, donc nous, on veut s'en mêler, on veut appeler la police. On est en flip, tu vois. On se dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, là, je récupère Patty qui est accompagnée d'un huiteur fidèle dont on a parlé il y a quelques instants. Là, ça fait 10 ans, je crois, qu'il m'écoute là où que j'aille. C'est Issam de Liège. Est-ce que Issam de Liège m'entend? Oui, oui, il vous entend. On vous a bien eu. Hein. Ah, mais alors là, Patty, mais vous oui. Vous jouez comme. Mais oui. Mais elle en a pas mal. Allô, Vince. Ouais, allô, Issam de Liège. Ça va? Mais ça va, mon vieux. Mais toi, qu'est-ce qui s'est alors, passé? Comment t'as eu? Bah, c'est formidable. T'as fait, hein? Mais attends, mais tu dois faire de la radio, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bah, on s'est dit comme ça avec John de Saxa et voilà. Bah, vous m'avez eu, mais jamais des auditeurs nous ont eu comme ça. Hein. Non, jamais. Je te jure, alors, le truc, c'est que vous avez été tellement plus loin que des trucs qu'on n'a jamais fait. Que je me suis dit, non, c'est trop, c'est pas possible, c'est tellement plus que trop qu'on va appeler la police. Mais franchement, hey, l'imagination, elle était au point. Ah, voilà. J'adore, ils sont morts de rire derrière, genre, on l'a rigueux, ouais. Mon précieux. Et Lynn qui vient bien se faire lécher la touche ce soir. Ouais, doucement. Bon, hey, Patty et Issam, on vous fait des bisous, merci en tout cas. Allez, bonne journée, hein. Bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Ah, ouais. Merci John aussi, à bientôt John. Ouais, oui, dis-moi John. On peut avoir un petit cadeau pour qu'on ne brille pas. Non, pas de cadeau. Arrête. Ouais, là, on pouvait aller vous faire foutre. Allez. Attends. Allez, vous m'avez fait flipper déjà. On était sur le point d'appeler la police et tout. La police voulait intervenir. J'ai reçu un message de la police de Liège. Genre, donnez-nous l'adresse, on arrive tout de suite mais et tout. Tu te moques ou quoi? C'est tout ce qu'on aime. Ouais. Ascenseur émotionnel et tout. Franchement, je suis choqué qu'ils ont préparé. Ils ont préparé ça toute la journée et tout. Attends. Mais non, je crois que ça fait des semaines. Parce que ça fait des semaines qu'ils veulent passer. Mais comme on a plein de gens qui veulent passer, ben voilà, on savait pas. C'est vrai que moi, je kiffe les ascenseurs émotionnels. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'adorer ça quand ça passe comme ça oh my god, tu passes de la catastrophe au bon moment et tout. Et ben tu sais quoi John, allez vas-y, c'est gagné, on va vous filer du cadeau. Ouais, bravo les gars. Merci. Bravo à toi, bravo à Patty, bravo à Issam de Liège. Là j'adore quand les auditeurs nous font des trucs comme ça. Ah là là, c'est formidable. Allez, on vous fait plein de bisous, à bientôt les gars. Bisous, bonne soirée. Bisous, raccrochez pas. Salut. Je vous passe au standard là. Énorme, alors là, énorme. Effectivement, Migui là, qui nous dit ouais, il y avait en radio déjà des simulations d'agression en direct au studio, etc. Ouais, mais moi, l'idée, c'est de pas faire peur aux auditeurs, tu vois. C'est pas ça le délire. Mais par contre, là, ils nous ont eu. Alors là, mais magique, hein. Ouais, respect. Type Coli qui nous dit comment ça va l'équipe. Vince, c'est toi qui fais la blague, stop, on va bien rigoler. Tu aurais pu leur donner un cadeau, ils ont fait fort. Mais si, c'est ce que j'ai fait. Hein. Vince, non, à la fin, on dirait que la fille dit Vince à la fin de la chanson que tu viens de passer. Ah, c'est possible, je sais pas, c'est laquelle que j'ai passé. Zayn avec no Candle, No Light. Zayn, c'est pas une fuyon. Étrange quand même. Ah, c'est le nouveau morceau de Zayn. Ouais. Et Nico, là, il me dit quoi, là, Nico En vrai, j'étais je suis dans ma voiture, j'ai entendu cette histoire. Ce prank là de fou. Putain de dingue. Et j'étais trop en stress, là. Je me suis dit, ils vont envoyer les flics, ça va être trop chaud ici en direct. De ouf. Grave. Félicitations, les gars. Mais l'élève n'a pas encore dépassé le maître, mais ils sont en bon chemin, ces jeunes padawan. Comment tu dis? Il y en a plein qui disent, Nelu, qui nous dit, putain, Vin, j'ai flippé ma race. Non, mais vous êtes très nombreux à avoir flippé, hein. Bon, la suite du programme, parce que oui, il y a une suite quand même dans ce programme. Ouais, okay, Il y a quelqu'un qui nous dit, Vin, je suis déçu, je voulais la friendzone, moi, pour de vrai. Putain, bah, si vous voulez faire une friendzone, vous voulez avouer vos sentiments à quelqu'un qui est proche de vous, mais que vous osez pas le faire en live, et vous préférez le faire via la radio, que ça vous permet de retourner dans le passé si jamais ça marche pas, il suffit de m'envoyer friendzone maintenant là sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. Il y a que moi qui ai pas cru ou quoi? Non Charlotte, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui ont pas cru en disant ouais d'office c'est un prank, etc. Bah vous êtes vraiment que 2-3, hein, tous les autres bon, give me five, kiffe ta sœur, c'est ce qui va débarquer dans quelques instants sur Énergie. Mais d'abord voici Offenbach Benjamin Grosso, ça s'appelle Paradise. On arrive dans quelques instants, on a encore du lourd ce soir pour vous sur Énergie, bienvenue. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you smile and take my. test if you're bulletproof. You mentioned something about a room for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Laurine est dans la maison sur Énergie. Oh yeah. Kevin est dans la maison sur Énergie. Et Naomi, t'es où? Naomi est dans la maison. 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et comme dit Damien, bien sûr. Il est tout content, Damien. Damien a dit une connerie hier dans l'émission. Vous savez, Damien, c'est l'homme qui met des trucs dans son cul, là, à chaque fois. L'auditeur très fidèle qui nous envoie toujours des photos de son derrière et il met des aliments différents dedans. Et à chaque fois, ben, c'est parti un délire, dans un délire où les auditeurs doivent tenter de deviner ce qu'il a mis dedans aujourd'hui. Il travaille dans un snack. C'est tellement angélique que t'en as fait un jeu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est venu comme ça par hasard. Un jour, j'avais dit, essaye de deviner aujourd'hui. Et puis, tout le monde a essayé de deviner. Il y a Nel et Lou, là, qui me dit, Vince, est-ce que tu peux passer soprano avec Zoom? Il arrivera après 22h22. Je le mettrai juste pour toi, tiens. Cool. Ouais, tranquillou là. Et merci à tous ceux qui sont connectés le soir. Merci pour d'avoir créé voilà, cette grande team tous ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont jamais envoyé de message à la radio. Chaque jour, il y a des nouveaux qui nous disent: ah Vin, je vous ai jamais envoyé de message. C'est mon premier. Eh ben, n'hésitez pas surtout. Et j'avais proposé que ça faisait longtemps qu'on l'a plus fait. Je crois qu'il y a 2 mois, on a fait ça. Que les gens nous envoient des photos de l'endroit où ils écoutent la radio. Eh ben, j'ai envie qu'on se fasse un petit délire avant de passer dans le sujet. Là, la suite du sujet, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait pour être arrêté? Ou pour quelle raison vous avez déjà été arrêté par la police? On va faire un tour de table après. On va en parler. Moi, j'étais arrêté 3 fois, moi, dans ma life. Ah bon ? Sérieux ? Ouais, 3 fois. Moi, j'étais arrêté 2 fois, mais c'est parti en couille. Dis donc. T'as des enfants de cœur, dis donc, on met à l'antenne d'énergie. Moi, j'étais en prison 4 ans. Un gros bisou à Virginie, qui est connectée aussi, là. Donc, 0492-222-002, les amis. Damien, dis-nous, qu'est-ce que t'as mis dans ton derrière ce soir, si tu travailles, hein, je ne sais pas. Hein. Voilà, Damien, qui était un peu parti en sucette, là, on a une auditrice qui était lesbienne, ouais. Et lui, il a insulté et tout ça, mais parce que Damien est dans sa folie, parfois. Hein. Damien, on l'a muté, tu vois, on l'a dit, non, c'est pas cool. Et après, le mec, il me dit, Vince, c'était méchant de ma part, j'ai pas fait exprès, je le ferai plus promis, et donc, du coup, je l'ai débloqué. Oui, parce que je peux vous bloquer sur WhatsApp quand vous abusez, ça, les gars. Cool, mais j'aime pas bloquer les gens, tu vois, c'est une sorte de dictature. Je pense que c'est une dictature non plus. Merci, tu es toujours mon ami, ça me fait plaisir. Avec plaisir, Damien, tu vois, on est capable de pardonner aux gens. L'idée, c'est de pouvoir pardonner. Pardonne. Voilà. Donc, Damien, on attend ta photo. Avec qu'est-ce qu'il y a dans ton derrière? Ouais. Mesdames et messieurs, la mission, si vous l'acceptez. Ah, je vais mettre une autre musique quand même. Attends, tu sais quoi, je connais une musique qui va agrémenter le bordel que je vais annoncer tout de suite là. Tu penses que genre ça va mettre dans l'ambiance de ouf? Ouais, bah y a intérêt. Hein, ah, j'espère pour vous. Si ça vous met pas dans l'ambiance, on vous nique. Voilà, c'est parti, tac. On vous nique. Petite musique pour te mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? On y va. Les amis, votre mission, si vous l'acceptez. Et de l'endroit où vous vous trouvez actuellement, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment où vous écoutez cette radio, peut-être dans votre chambre, peut-être au travail, quel que soit votre métier, même si celui-ci est privé, vous allez prendre votre téléphone, faire un selfie ou une photo de votre lieu de travail, de votre lieu d'écoute, l'endroit où vous écoutez actuellement Énergie. Pourquoi ? Parce que on a envie de savoir d'où est-ce que vous nous écoutez, dans quelles circonstances, un peu découvrir quelles sont les habitudes de nos auditeurs. Et ça nous permet de montrer à notre boss en disant hey, t'as vu, c'est drôle, il y en a un qui nous écoute en train de faire l'amour avec sa meuf. Histoire vraie. Ah oui, vrai. Moi, j'ai reçu une vidéo en train de. Il y a des trucs que je mentionne pas forcément, que je donne pas les prénoms, mais déjà des trucs de ouf. Et big up à David. On veut une photo de vous, le moment, l'endroit où vous écoutez Énergie le soir. C'est très important. N'oubliez pas de parler de ça à tous vos potes. Hein. Dites que le soir sur Énergie, il se passe des trucs de ouf. Hein. Ouais, bah ouais. Et c'est ça la magie de la radio, c'est qu'on est capable maintenant de voir ce que vous faites en photo. Vous envoyez ça sur le numéro de téléphone suivant, le 0492 222 002. Vous n'avez jamais envoyé de message à la radio? Eh bien, c'est gratuit grâce à WhatsApp. 0492 222 002. Yeah. Nigel? Le 0492 222 002. Lara? Le 0492 222 002. Richard? 0492 222 002. Merci Richard. Vous envoyez ça maintenant? Une photo de vous, l'endroit où vous êtes en train d'écouter l'émission, là maintenant. Pas une photo de vous aux toilettes. Moi, je vous écoute dans l'émission. T'as écouté où, toi? Dans le studio. Ah bah, oh, génial, alors. Excellent. Alors, il y a Pierre. Pierre nous a envoyé un selfie avec ses écouteurs, lui, dans son lit. Tada. Ah ouais. Oh, les yeux grands ouverts. Ouais, pourquoi il ouvre les yeux comme ça? Il a pris quoi comme drogue? Bah, je trouve qu'il a des beaux yeux sans vouloir le draguer, bien sûr. Oh. Vin, je vous écoute tous les soirs. Vous êtes géniaux, continuez comme ça. J'ai vu la commande, j'ai pas su résister, je te l'ai envoyé. C'est la première fois que je t'envoie un message sur le WhatsApp. Ah, bah, parce qu'on a des amis à nous, là, qui travaillent à Énergie le soir. Un certain Christopher, là, qui a commandé brochette de poulet géante plus pommes de terre four à l'ail plus brochette de poulet géant plus riz plus salade. Et donc en gros l'auditeur, bah, c'est un mec qui a livré à nos collègues là, et en fait ils nous ont envoyé la photo genre hey, je vous livre ce soir là. Yes, donc, yes. Voilà, il y a Nathalie Vin, je vous écoute, elle nous écoute depuis, regardez ça, l'hôpital. Ah ouais. Infirmière de nuit, s'il vous plaît. Oh. Moi, on était patients au lieu de faire des selfies, toi. On lui fait un bisou. C'est vrai qu'on l'avait vu à l'antenne en plus. Elle travaille dans un centre de revalidation. Ah, c'est Dylan, dans son camion, selfie, là, sur la route, tranquille. Alors, Florian, une photo de lui dans sa voiture, une BMW, carrément. Oh, viens me chercher. Pas des photos quand vous êtes au volant de votre véhicule. Hein. Ah, alors, on a Julien, qui, Julien, regardez ça, il est dans son. Ou alors, c'est son night shop. Un white night, ouais. Ou alors c'est une station-service. Ah, effectivement. Et tu crois qu'il y a moyen d'avoir une réduction sur un paquet de bonbons ou pas? Ouais, peut-être, hein, tu imagines. On n'a pas déjà mangé assez. Maintenant, si t'as envie d'aller jusque la vigne, je t'écoute de Verviers. Marc, il faut m'envoyer la photo, Marc. Stevens, depuis son gros camion, là, visiblement. Sympa, la photo. Camion. Julie et Michel, ils sont au boulot, visiblement, parce que tout ce que je vois, c'est un ordinateur avec un clavier. Moi, elles sont en train de faire un tournage de Jacques et Michel. Alors, décrivez-nous la photo. Hein. Vince, dans mon atelier, je fais des sapins en bois. C'est génial, ça. Ah oui. Un peu. Ah bah attends, envoie la photo des sapins en bois, s'il te plaît. Tiens, regarde. Oh, mais c'est hyper design. C'est cool, hein. Ouais. C'est la nouvelle mode, c'est vraiment bien, ouais. Hey, c'est kiffant. Des sapins un peu originaux. Alors attends, parce que on voit plein de photos là. Hein. Après, on revient dans le sujet, on lance le sujet là. Mais alors, c'est où ça? C'est dans la chambre. De qui? Je sais pas. Quelqu'un qui m'a envoyé une photo. Montre. En train de faire un 2 avec ses doigts. Ah oui. C'est une chambre, c'est quoi? Je sais pas, moi. Je sais pas, lui, dans une forêt ou. Un dortoir, je sais pas. En tout cas, je vois que près du lit, il y a un papy mouchoir. Ah, vas-y, il a joué avec sa sœur tout à l'heure. Non, mais non, arrête. Ah, Daniel, fidèle, lui, il est au taf. Daniel, que j'ai croisé il y a pas longtemps pour Denamur à BX, là. Oh. Au boulot, Vince. Merci pour ton message, là. C'est envoyé en photo. Vince, je montrais mes fesses à ceux qui me dépassaient sur l'autoroute et malheureusement, c'était une voiture banalisée. Résultat, arrêté sur le champ. Ah, bah ouais, parce qu'on parle de vos arrestations, là. On en parle après. Ouais. Baptiste, dans mon lit posé, il nous écoute avec un vrai récepteur radio. Bachir, Jean, regardez où est-ce qu'il nous écoute, Bachir. Regardez ça, Jean. Oh non, il est sur la plage. Arrête de faire genre. Ah non, il est où? Il a fait genre, il nous écoute depuis la plage. Il est certainement, je sais pas, en Floride. T'imagines, en direct du Luxembourg. Merci pour le message, Steph. En direct de l'argent. Alors, Eden, carrément, une petite vidéo, là, elle nous a envoyé. Eden, ça dit quoi, tiens? Vas-y, regarde la vidéo. Hey, Nigel, je t'aime, t'es mon frère. Putain, merde. Je t'arrête. Bah, du coup, c'est la tienne. Hey, trop cool, regardez la radio qu'elle a, là. C'est cool. Ah waouh, vintage. Ah, c'était une meuf. Bah oui, c'était une meuf, c'est une meuf. Putain, je pensais que c'était un mec, wesh. 106.2, tu voulais dire. Sur le 106.2. C'est cool, ça. C'est quel pays, ça, franchement, ça fait 106.2. Je sais pas, je connais pas les fréquences par cœur. Je connais la fréquence Wi-Fi, moi, énergie.be. Vince, depuis ma vie d'étudiante, je vous écoute de Jean Blou, les poteaux. Trop fort, regardez ça, là, un tableau à son mur. Un tableau, genre les tableaux dans avec les chambre. Ouais, c'est trop cool, ça. Ah, ouais. Et à chaque fois, je tourne l'écran pour que tout le monde voit. Un jour, cet écran, il va lâcher. Ça, je suis sûr. Tu vois, c'est quoi ce tableau-là? Ouais, c'est sa daronne quand elle faisait la prof et que son père, il était au fond de la classe. Et Malika qui m'envoie des trucs chelous, là. Malika, putain, pourquoi tu m'envoies des légumes en forme de pied, toi aussi? C'est trop bizarre. Quentin dans son lit, Cédo aussi, Fab, là, qui envoie une photo. Alors, voyons la photo de Fab. Alors, ah bah tiens, bah oui, Fabrizio, auditeur fidèle, lui aussi, hein, tranquille. Lisa qui nous écoute en voiture. Petit selfie, tranquille au calme. J'espère que t'as pas fait selfie sur l'autoroute en train de rouler à fond. Mignonne hein. Ouais, totalement. Dégueulasse. Nigel, tu exagères. Mais c'est sa technique de drague. Ouais, grave. Mais non, j'ai merci pas drague Lisa. À fond. Tu fais ça à toutes les filles. Alors, il ah, y a un auditeur qui nous a jamais envoyé de message qui nous dit salut, comment allez-vous, en train de faire ces mathématiques-là. Il est en train d'étudier avec, dans son lit avec un coussin Chicago Bulls. Putain, les Bulls. Old school. C'est-à-dire bah, pourquoi pas. Bah, c'est cool, old school. Alors, on a un autre auditeur qui, pour la première fois, nous envoie une photo de lui, à poil dans son lit. Voilà. Oh, torse poil. C'est fait. Oui, mais pourquoi il monte son corps, lui? Bah, il a envie de se faire plaisir. Le drap. Parce qu'il a des pectos. Alors, Daisy, là, retour du travail. Je vois la photo de la route, là. Mika, comme d'hab, dans mon garage. Il nous écoute depuis son garage en train de bosser, Mika. Vin, j'écoute dans ma chambre en France, du côté de Nantes. Eh, merci, là, sur Energy.be. Oh, big up, Nantes. Ça fait plaisir, ça. Franchement, ça fait grave plaisir. Grave, de ouf. Une personne qui a le numéro qui termine par 31-38 a fait une photo là sur le 103.7, donc à mon avis ça doit être Bruxelles ou alors ses environs. Ouais, c'est ça, Jonathan ouais. Avec son pote tranquille dans la voiture. Yacine, oh il est trop fort Yacine dans ça. Eh hey, mais Yacine il a vraiment une chambre de geek. Non, c'est son salon de geek. Il a des platines, il a une Nintendo. Vieux, regarde ça, la vieille Nintendo là. Mais oui. Eh hey, mais c'est trop cool. Ah, c'est bah, par Nintendo, contre quoi. Ce serait mec qui range un peu chez lui hein. Bah du. Parce que là, voilà. Quoi. T'as pas vu ton bureau? Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est pas de ma faute. Bah moi, je trouve ça trop cool. Moi, comment il écoute l'émission là. Tous ceux qui utilisent mon bureau. Et franchement, Yacine, trop fort. Jérôme, on est là. Et regarde. Putain, mais Jérôme qui nous écoute, mais tranquille à la maison comme ça avec ses potes, mais c'est génial. Ah, cool. Ah mais c'est lui qui est venu hier là. Ouais, il est venu hier, effectivement. Salut. Allez. Avec son pote, tranquille, avec sa chair et tendre là. Mais c'est génial, franchement. Mais ah ben bah, voilà, la photo aux toilettes, fallait s'y attendre. Elle est arrivée. Hein. Merci vous à Guillaume Dell. Ouais, il y a quelqu'un avec sa Citroën qui est à l'arrêt, bien sûr, merci. Il y a François là, je démarre de couiller direction Mons. Mamdi aussi qui m'envoie un petit selfie, mais Mamdi, le problème c'est que je vois pas Mamdi. Hein. Ah ouais. La graciste, il nous a fait une Cécile Djunga là. Et big up mon pote. Retour de l'entraînement calme. Samy Gare du Midi là, en train de nous écouter. Depuis Uber Eats, quelqu'un qui travaille pour Uber Eats qui livre. Ah viens nous voir. Sécurité camion E411 du retour du boulot. Je viens d'entendre la commande sur Énergie en direct. Ouais grave, j'ai lu la commande là. Ouais c'est pas vrai. Abdel aussi là tranquillement dans son véhicule. Il y en a plein qui nous écoutent dans leur véhicule, dans leur chambre, dans le salon souvent et tout. Mais franchement je trouve ça génial. Décompression en rentrant du taf à l'atelier. On nous écoute dans un atelier. Mais c'est parfait. Mais ça. Un atelier de quoi ouais. Bah regardez, je crois qu'ils font des. Ils font du pain et tout là. Ouh, boulangerie. Boulangerie. Ah, ramène-nous des cooks, frérot. L'odeur. Laura dans son salon. Laura dans son salon. Oh, regarde, avec ses petites chaussettes et tout, c'est tout mignon. Ouh, c'est quoi ces cuisses? Ses jambes sont bien huilées. Et en plus, elle mange des chips. Ouais. C'est excessivement énervant. Hein. Alors, nous, on est au boulot aussi, dans un white night encore, là, ou alors peut-être dans une, dans un night shop, ou alors dans une station service. Mais il y a trop de messages, les amis. Je suis vraiment dépassé. Je vais refaire. Je fais en deux parties. Je fais la suite après, parce que là, quand même, on doit avancer dans le sujet là. Ouais. Avec Tarek qui est avec nous. Salut Tarek. Yo, salut les gars. Tarek est dans la maison. Sur Énergie. Ça va Tarek? Bien, ça va mon pote. On va parler d'un truc. On va parler des arrestations de la police. Toi, ne nous explique pas toute l'histoire parce qu'on va se faire Camilla Cabello là en musique. Oui. Mais en gros, qu'est-ce qui a failli t'arriver là, Tarek? Ben, en fait, ce qui a failli m'arriver, c'est que j'étais dans un fichier de police parce que quand j'étais jeune, j'ai fait une petite bêtise, tu vois. Ouais. Et du coup, il y avait plusieurs personnes qui se faisaient agresser dans la rue ou dans le métro, je sais pas. Et à chaque fois, ils me reconnaissaient à moi dans la photo, tu vois, alors que moi, j'avais rien à voir. Donc à la fin, à chaque fois, j'avais des flics qui débarquaient chez moi, perquisition et toute la merde qui va avec. Oh, le pauvre. Et ça m'arrivait au moins 7 ou 8 fois. 7 ou 8 fois parce que tu ressemblais à quelqu'un, en fait. Parce qu'apparemment, d'après le commissaire à la fin, qui est devenu presque un pote, tu vois, parce que... Habitué voilà. De la maison, quoi. Encore voilà, j'ai que me voir. À la fin, quand ils venaient me chercher à l'accueil, il me serrait la main. Salut Tarek, comment tu vas? Allez, viens dans le bureau avec moi, tu vois, comme une balance, tu vois. Oh bah non, oh my god, c'est vrai. Des fois, il y avait des gens qui étaient assis, qui disaient, putain, c'est une balance, type comment il parle le flic, tu vois. Oh my god. Mais tu l'étais vraiment? Comment? Non, mais non, pas du tout, ouais, je suis pas un addict, t'es malade ou quoi, tout le temps. Et du coup, ça a été super loin parce que même le commissaire, à un moment donné, il me disait, écoute, c'est pas normal. On t'a encore reconnu sur une photo. Et il y a même une fois où je suis arrivé chez moi à la maison en rentrant du sport et j'ai vu les flics avec les chiens devant chez moi. Ils avaient retourné ma chambre, ils m'ont embarqué au poste, j'ai passé la nuit au poste. Oh là là. Je suis passé au palais de justice le lendemain vers 15-16 heures de cachot en cachot. Mes parents croyaient que j'étais en prison et finalement ils m'ont relâché. Et bon, tout accumulé, les histoires comme ça. Et puis, je suis passé au tribunal correctionnel de Bruxelles. Mais carrément, jusque-là, la correctionnelle, mais c'est une des plus hautes instances, quoi. Ben ouais, exactement. Donc, ils m'ont collé sept agressions avec violence. Tu vois, tu les as fait ou pas ces agressions? Mais non, je les ai pas fait. Déconner, je suis pas un agresseur. Arrête de faire genre. Il témoignerait pas, il passerait pas, il raconterait pas son histoire. Au départ, mes parents croyaient que c'était vraiment moi. Donc mon père, il râlait, il était prêt à me tanner, tu vois. Ah ouais, logique. Il me retenait, tu vois, à l'ancienne. Mais à la fin, même ma mère, elle me dit, écoute, c'est pas normal. Il y a un problème maintenant. Ça fait trop de fois qu'on te prend pour un voleur, tu vois. Et du coup, tu passes au palais de justice. Et même un gars, qui soi-disant j'avais agressé. Il disait que c'était moi qui l'avais agressé, clairement. Ou alors, Tarek a des doublements de personnalité, tu vois. Ouais, sur un ciseau, un parano, là, dans la nuit, je sors, j'agresse les gens. Non, mais rien à voir, le gars, la juge, elle lui a dit. En fait, la juge, elle me dit d'abord, monsieur, pour la première affaire, blablabla, qu'avez-vous à dire? J'ai madame, c'est pas moi. Je sais pas moi. Alors Tarek, reste avec nous parce qu'on va se faire Camilla Cabello tout de suite. Mais c'est ouf parce que j'ai plein de réactions de gens qui disent mais c'est un truc de ouf parce que moi aussi on m'a déjà pris pour quelqu'un. Je comprends pas pourquoi. Parfois les ressemblances, ça fait beaucoup. Hein. Et t'imagines après toutes ces histoires, genre il arrive devant la cour et après il dit devant la juge. Madame, voilà, c'est pas moi. Ah, c'est bon, il a quitté, il a dit voilà, c'est bon, c'est la street. Je me pense à Mister V, cette histoire-là. Camilla Cabello a consequences. On arrive tout de suite, on va récupérer Tarek tout de suite. Là. Racontez-nous vos pires arrestations, vos arrestations, si jamais ça a déjà été injuste ou. On dit pas injuste dans le mode vous étiez pas. C'était pas votre faute, mais en tout cas, est-ce que vous êtes déjà été arrêté et. Ouais, vous avez pas fait exprès de faire une connerie, par exemple, je sais pas. Ça peut arriver, pas faire exprès. T'as glissé, t'as tiré. Non, je déconne. Lost a little weight because I wasn't eating all the songs that I can listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place. To let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. WhatsApp, ça tombe bien. Vince aussi. 0492 222 002. Écris-lui pour vérifier s'il est bien en direct. Ah ouais, non, bah, Bolo. Attendez, Bolo, on va pas écrivez pas tout de suite, les amis, parce que là, on a le WhatsApp qui a officiellement planté et ça s'applaudit, bien entendu. Ouais. Bravo. Chers auditeurs, vous avez de nouveau fait planter le réseau. Non, mais c'est pas une blague, hein. C'est. Voilà, la situation est, comment dire. Là, je profite Voilà, elle est difficile, hein. Je reçois les messages de 22h22, c'est pour vous dire, alors qu'il est, 20, il est 22h30. Non mais, il faut vous expliquer quelque chose. J'avais passé un petit appel à l'antenne là tout à l'heure en demandant que vous envoyiez toutes et tous, oui, rest in peace le WhatsApp, que vous envoyiez toutes et tous une photo de vous, de l'endroit où vous écoutez la radio. Je salue la centaine, si pas les milliers de nouveaux qui viennent d'envoyer des messages. Big up. On fait ça pour, vous rendez compte qu'on fait l'émission pour Wallonie-Bruxelles. Vous vous rendez compte que j'ai eu l'occasion d'animer 2 ans en France. On n'avait pas ça, hein. Ouais, c'est vrai. On avait pas ça, hein. Non. On avait pas ça du tout. On avait vraiment pas ça, tu vois. Clairement. Et pourtant, pas. C'est pour une population genre 10 fois supérieure. Donc, je sais pas ce qui se passe avec cette émission-là le soir sur Énergie, mais il y a un truc, il y a un truc magique. Et donc, du coup, je voudrais vous remercier. Mais là, je reçois que les messages de 22h22. Donc, tous ceux qui ont actuellement la petite boussole là sur WhatsApp en mode en attente de livraison du message, patientez un peu, ça va arriver. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux et tout. Il va falloir juste attendre un petit peu avant que ça arrive. Hein. Je remercie KSR qui m'envoie des messages. Yondel, Thomas, Vin, j'ai piqué mon téléphone vite fait là pour faire la photo. Vous êtes les meilleurs. Changez pas, je m'appelle Thomas. Ben, merci Thomas qui a pris des risques en piquant le téléphone de sa mère ou de sa mère ou son père. Hein. Vince, dernier examen. Bon courage là. Je vois effectivement, elle m'a envoyé une photo là. Une photo de ses examens. Axel qui nous écoute depuis un night shop ou une station de service. Vin, je t'écoute dans une carrière. Le mec, il a son casque et tout dans une carrière, ben, c'est génial. Magnifique. Wow, bravo. Mais vous nous vendez du rêve. Avec toutes les lumières et tout. Vous nous vendez du rêve, vous n'avez pas idée à quel point. Merci à toi qui m'as envoyé ce message là. C'est une belle carrière. Depuis la France, Vince, carrément. Mais c'est trop génial. Depuis la France avec le GPS qui indique rue Charles de Gaulle. Rue des Vignerons, mais quoi, c'est où que tu nous écoutes en France, nord de la France, ou Vince en direct de Liège, à la maison avec l'ordinateur là. Audrey carrément nous a envoyé une petite vidéo là, Audrey. Ah, attends, parce qu'il y a plein de sons qui arrivent en même temps là. Je remets la vidéo là. On est dans la maison. Sur Énergie. Putain, j'adore, ils font des selfies depuis la maison et tout. Regardez-moi ça, Audrey, comme elle est mimi. Oh là là. C'est trop elle fort. Elle ressemble à une testicule séchée. Et j'adore parce qu'on nous écoute en même temps. Ils boivent de la Smirnoff, vodka et tout ça. Mollo, les amis, sur l'alcool. Hein. Je t'écoute de mon lit là. Alexane qui a envoyé la message. Montfort là, qui nous a envoyé une petite photo de son petit véhicule. Je sais pas très bien. White Knight de Louvain-la-Neuve qui est connecté aussi là. Ryan qui nous écoute sur 105.5 tous les mardis et jeudis après le foot pendant le trajet de la maison là. Merci au numéro qui termine par 5713. Il y a Sean aussi qui a fait une photo de sa radio devant FIFA, frérot, là en train de nous écouter. Merci à toi, le numéro qui termine par 5869. Tranquille là dans une cafette en train d'écouter Énergie là. Mais c'est génial ce truc. C'est un truc de ouf en fait, il y a plein de gens qui nous écoutent. Et putain, j'ai envie de chialer tellement c'est beau. Sérieux? Non, mais pendant 10 ans, j'ai fait de la radio sans savoir d'où est-ce que les gens nous écoutent, et ben voilà, là maintenant on a ça là comme et ça en live. Photos, ça et par contre un commentaire de Eddy là, qu'est-ce qui se passe, Eddy? Ce téléphone, il est incroyable, il bouge plus du tout, l'image est fixée, on dirait les téléphones dans les magasins. Il y a trop de messages. Là-bas. Ouais, ah oui, il faut téléphone. Pas bouger, mais c'est celui-là. Ouais, 0492-222-002, il y a trop de vos photos en fait. Je vous êtes en train d'en bombarder comme des dingues, c'est-à-dire que là, le téléphone il est figé. Ah, mais attends, mais j'ai une question. Oui, dis-nous. Est-ce qu'il n'y a pas une option dans ce téléphone qui fait que les photos sont enregistrées dans la galerie et qu'en fait il a passé de. Eh ben peut-être, je sais pas. En attendant. On va regarder ça maintenant. En attendant. On risque d'être coupé par la pub. Donc on arrive dans quelques instants. On récupère Tarek avec la suite de son sujet. Là, il a failli être condamné à tort. Et dites-nous, les amis, est-ce que vous avez déjà été arrêté à tort par la police ou peut-être à raison, je sais pas. En tout cas, revenez nous raconter vos arrestations sur le WhatsApp. C'est compliqué puisqu'il a planté. On arrive. Yeah. Vince, 21h minuit sur Énergie. Il vous reste le 30-18. Hein. Faites-vous plaisir avec le 30-18. Ça peut bien sûr fonctionner. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacrilège. Ah ouais. Quoi? T'as jamais vu Pocahontas? Mais c'est bon, arrêtez, vous me faites peur. En plus, elle est vachement bien gaulée. Quoi. Mais... Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérém et Frisco vous offrent vos vacances. 2000 euros pour le soleil ou le ski en France. But it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. To have loved and I've lost. But that's not what I see. Taught me, yeah, for that I say. Bienvenue de retour sur Énergie. Et moi, je suis mort de rire parce que depuis tout à l'heure, ils sont pédés sur le standard, là, le WhatsApp qui fonctionne plus tellement il y a eu des messages. Et on a tout fait péter ce soir, les gars. Franchement, ça mérite le shampoing là. Hein. Ça mérite le champagne. Non, mais, dit, hein. Il se rétablit un peu là ou pas? Mais là, il s'est un petit peu rétabli là, mais c'est parce qu'il y a eu la pub. Donc dès que tu vas recommencer à parler, c'est fini. On a une idée de ouf de faire le WhatsApp dans cette émission. On n'en avait jamais pensé qu'en fait, trop de WhatsApp pouvait tuer le WhatsApp. Eh oui. C'est-à-dire que quand vous avez tous envoyé vos photos, d'ailleurs, j'en reçois encore. C'est ça qui est ouf. Quelqu'un qui nous écoute depuis une usine. Numéro qui termine par 3028. Salut toute l'équipe. Aujourd'hui, j'ai appelé le 101 pour faire déplacer deux véhicules mal stationnés qui empêchaient mon mari de charger de la marchandise dans la camionnette. Un des véhicules était un Sprinter dont la plaque commençait par nana, et la nôtre était une nana, et l'agent est intervenu à mon appel à côté, il nous a collé une amende. Mon mari a choqué, il a dit appeler, oula, attends, on va t'appeler parce que ça a l'air d'être une grosse histoire là ton truc, c'est ouf. Il y a Kevin qui m'envoie également des notes vocales là le soir là. De toute façon, j'ai une tête à me faire fouiller tout le temps, je sors, je me fais fouiller. Je vais à Charleroi, je me fais fouiller. Je vais à la gare, je me fais fouiller. Tout le temps, je me fais fouiller. Je sors du Night ND pour rentrer chez moi, qui a pas 100 mètres. Ah ben je me fais fouiller, à 3 pour me fouiller. Oh my God. Tout le temps je me fais fouiller. Mais c'est or normal. Avant, je fumais pas. J'étais tranquille, un garçon posé. Attends, alors qu'avant je fumais pas, j'étais tranquille, un garçon posé. C'est-à-dire que maintenant il le fait. Bah si tu fumes, c'est pour que ça compte fouille, tu vois. Mais non mais le mec il se balade avec une plantation de cannabis sur la tête, il est con. Ben voilà, ben nous aussi, il nous a tués là. Et Tarek qu'on récupère, allô Tarek. Allô les gars. Voilà, oh, mon pote là, le pauvre Tarek, victime d'injustice là, de ouf, puisqu'en fait tu ressembles à un gars visiblement, et donc t'as eu plein d'histoires où tout le monde t'a accusé à tort d'avoir fait des coups et blessures, des histoires de dingue, jusqu'à la cour d'assises carrément là. Jusqu'en correctionnel, voilà. Cassation et tout. Non, jusqu'en correctionnel. Ça s'est fini comment cette histoire? Parce que on peut pas non plus t'accuser à tort indéfiniment. Non, ben en fait, ce qui s'est passé au final, c'est que il y avait une des personnes, donc comme j'avais dit tout à l'heure, qui prétendait que c'est vraiment moi qui l'avais agressé. Et heureusement que la juge a eu un soupçon sur la façon dont il parlait. Et du coup, ils m'ont acquitté pour 6 faits. Et il y en a un qu'ils ont gardé. Et du coup, ils m'ont donné 5 ans sur 6. Donc ça veut dire que si jamais je faisais soi-disant une agression, je rentrais en prison 5 ans. Mais... Et ils ont sali mon casier judiciaire à cause de ça, donc j'ai eu un fait dans mon dossier d'agression et de vol avec violence. Mais c'est pas vrai. Mais c'est injuste. Faut se défendre. C'est quoi le pire des choses, c'est que quand on est sorti, moi et l'avocate et mes potes, tu vois, on a commencé à rigoler, moi et mes potes, pour dire ouais, c'est passé. Et l'avocate croyait que on rigolait parce que soi-disant, on avait réussi notre coup, tu vois, on avait agressé, Oh là là là là. Mais toi aussi. J'ai dit, madame l'avocate, je dis ça parce que je rigole. Que c'est moi qui ai commis les actes, hein. Je dis, moi, j'ai rien fait. Ne croyez pas que je m'en sors bien parce que ceci ou cela. Non, mais déjà, elle a rien à dire parce que tu la payes pour qu'elle te défende, donc elle ferme ta gueule. Attends, c'est ton avocate ou c'est une autre avocate, un autre avocat? C'est mon avocate. Oui, mais elle peut perdre confiance aussi. Enfin, je veux dire, tu vois. Mais bon, à un moment donné, avec ton avocat, tu dis les choses, hein, et tout ça. Tarek, si tu veux, nous, dans l'émission, on a un mec qui nous écoute. C'est un avocat super connu. On peut pas donner son blaze à l'antenne, mais on l'appelle l'avocat. Mais non, pas celui-là. quelqu'un qui nous est d'ailleurs, on nous écoute en prison, ça je le sais aussi. Hein. Ouais, big up Crapaud d'ailleurs, tu nous écoutes encore. Hein. Voilà, nous on ne sait pas les appeler, mais eux ils savent nous appeler, c'est ça qui est quand même incroyable avec cette émission. Mais en tout cas, on a un avocat qui pourrait peut-être t'aider, hein, Tarek, si jamais besoin, il faut redorer ton image, etc. Quoi, hein. Entre-temps, je te remercie, mais entre-temps, j'ai fait une réhabilitation et elle est passée. Ouais, mais quand même, t'as fait une réhabilitation alors que tu devais pas, tu vois, t'y étais pour rien. Voilà, ça me rappelle, il y a un gars que je connais, c'est un très bon pote à moi. Lui, quand il était jeune, en fait, il a été accusé à tort. Il a dû aller en IPPJ à cause d'une fausse accusation, comme quoi, et alors il y a eu un braquage qui a été commis par des jeunes, c'était du côté de la province de Liège et tout ça. Et des personnes ont témoigné en disant, ouais, mais c'est cette personne qui est mon ami à moi. Et en gros, c'était complètement faux, c'était totalement c'était des conneries, mais ils ont voulu faire passer ça, genre ouais, c'est celui-là, etc. Donc la police est venue le chercher, directement en jugement, nana, lui a beau eu clamé son innocence, rien à faire. Par contre, l'enquête par la suite a réussi à prouver qu'il était innocent, trop tard, le mal était fait, puisqu'il était à fond dans un domaine sportif, etc. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une coupure, donc le mec IPPJ, emprisonné, il a été, donc il s'est retrouvé avec des gens avec qui il n'a rien à voir. Le mec accusé vraiment à tort, et ben quand il est sorti de l'IPPJ, etc., et que le policier a prouvé effectivement, c'était un gars qui a fait ça, a prouvé que le mec était innocent, et ben il est devenu dealer de drogue. Ben non, il a porté plainte justement contre l'État. Et l'État, ben maintenant, le finance, parce qu'il y a un gros manque à gagner, c'est-à-dire qu'il était tellement bien dans le domaine dans lequel il était, qu'il y a l'avocat qui a estimé le préjudice à équivalent à des centaines de milliers d'euros, et donc du coup, heureusement, il a gagné là-dedans, mais c'est mais abusé des histoires comme ça. Ta vie est foutue quand même, quoi. En partie, ta vie est niqué parce que t'es ton rêve, quoi. C'est ça. Mais c'est pas possible. Donc Tarek, voilà, t'as fait tes trucs de réhabilitation, mais à mon avis, je pense que tu dois pas hésiter à porter plainte. Tu peux porter plainte contre l'État parce qu'il y a eu une erreur judiciaire, et je suis désolé, t'as pas à payer pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Et c'est trop facile. Le problème, c'est que c'est trop facile. J'ai l'impression que c'est toujours un peu sur les mêmes. Genre, ouais, mais de toute façon, voilà, tu payes, point. Non, c'est pas ça la justice. C'est pas ça la justice. Mais bon, tu sais, on dit la justice est aveugle. La justice, elle te juge. Hein. Pas très aveugle. Quand il t'arrive ce genre de choses, t'es toujours content que l'histoire termine bien et que t'es pas en prison. Et tu penses pas du tout à commencer à porter plainte et commencer à faire. Non, parce que c'est pas ton mieux, c'est pas notre éducation. On n'a pas l'éducation, nous, je pense, en tout cas ici. On n'est pas dans cette éducation de se dire je prends un avocat, je vais porter plainte parce que j'ai vécu un préjudice. On n'a pas ce délire-là. Au States, tu touches quelqu'un par le bras, oh, je porte plainte pour atteinte psychologique. Il y a tout un business là-bas derrière avec des avocats que nous, on ne vit pas forcément ici. Mais à un moment donné, il faut faire valoir ses droits. Si vous qui écoutez cette émission, vous avez l'impression d'avoir vécu un grave préjudice qui vous a empêché d'accomplir quelque chose dans votre life, vous avez vécu une injustice, je vous invite à aller porter plainte. Il faut le faire. Clairement. Et souvent on vous dit non mais ça sert à rien, blablabla. Non, faut pas écouter quand la police, ou pas que la police, hein, les policiers conseillent de porter plainte, effectivement. Oui, c'est une manière aussi de récupérer sa dignité. Voilà, il faut le faire, faut pas laisser des personnes comme ça parfois s'échapper alors que vous avez essayé de faire toujours du mieux que vous pouviez, quoi. Donc voilà, en tout cas Tarek, je te fais un gros bisou, merci pour ton passage dans l'émission. Ça fait plaisir, Tarek, ton passage. Non, merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, j'ai fait une blague avec ton prénom. Et je te la ferai hors antenne, je t'appelle. Okay. Avec plaisir, Tarek. Et quand tu veux, tu reviens ici, t'es chez toi, hein, ça va? Allez, au revoir. Bonne soirée, ciao. Bisous, Tarek. Ciao, ciao. Et les gars, vous avez toujours cette tendance de parler en même temps que les auditeurs, là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Temps, ça arrive. On a Nico qui est là. Allô, Nico? Et allô, Nicolas est dans la maison! Hey, Nico, toi, tu t'es fait arrêter parce que t'as déconné un peu, non? Moi, j'ai pas trop déconné, mais j'avais moi, pour la petite histoire, j'avais ma copine qui m'a rendu cocu. Et la suite, tu nous racontes après, Nico. Mais okay, on pressent déjà le truc. Et après, je vais vous raconter pourquoi je me suis fait arrêter. Ah ouais. Hein, Vince, l'animateur radio tranquille, gentil. T'étais déjà animateur. Qui donne des bons conseils. Je me suis fait arrêter en étant animateur. Ouais. Ah ouais. Je me suis déjà fait arrêter. Ouais, grave. Sérieux? Ah ouais. Sérieux? Bien sûr. Genre cachot et tout. Non, ça va. On m'a libéré après, mais je vais vous raconter. Oui. Tu t'es fait arrêter parce que tu avais le monopole sur l'audience. Exactement. C'est les autres radios qui m'ont balancé. Ils ont essayé de m'empêcher, mais ils ont pas réussi. Dean Lewis avec Be Alright. On arrive dans quelques instants sur Énergie. Nicolas va nous raconter son histoire et bah, puis moi aussi, tiens. Allez, on arrive. Reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent, and I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday, it's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away, but I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Bienvenue sur Énergie, j'ai la bouche pleine, je suis désolé. J'ai pas eu le temps de finir ce que j'avais en bouche. Tu veux délirer avec Vince en direct? Appelle maintenant le numéro gratuit 0800-23456. 0800-23456. Alright, Vince est dans la... Maison. J'ai eu le temps d'avaler, ça fait tellement du bien d'avaler. Non, Nathiel, tais-toi, je te sens venir déjà. Ah, c'est là. Comme ça. Ouais, ouais. T'aimes avaler. Ouais, j'aime avaler. Ouais. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer leur sperme chez Energy. Oh, non, arrête. Les gars, il faut bien checker tous les messages. Il y a plein de messages qui arrivent, des personnes qui envoient des messages très intéressants sur le WhatsApp, là, 0492-222-002. Tatiana qui me dit, Vince, en t'écoutant, j'avais envie de partager ma journée. Mon patron m'a payé en retard le 7 à la place du 25. J'ai dû payer mon assurance, donc le 7 décembre à la place du 25 novembre. J'ai dû payer mon assurance 10 jours en retard et le lendemain, j'ai eu un accident. Normalement, l'assurance remettait tout en ordre car j'avais prévenu. Aujourd'hui, j'apprends qu'ils ont résilié mon contrat. Quoi, déjà parce que t'avais pas payé ton assurance non. Et que je suis plus assuré et je dois régler les frais à ma charge. Et garde l'argent. Oula. Et garde l'argent que j'ai envoyé pour le mois précédent. En gros, elle était hors du temps. Les trois prochains mois. Ils ont considéré qu'elle n'était pas assurée quand elle a fait son accident. Les assurances, c'est difficile. Hein. Les trucs d'assurance, c'est le truc que vous devez payer. Mais il faut être net. Direct. Votre crédit, payez-le. Voilà. Et votre assurance, payez ça tout de suite. Très vif. Mais si elle a prévenu. Mais ils s'en foutent. Mais du coup, est-ce qu'elle a pas une preuve écrite pour dire que ouais, j'ai prévenu, ils ont accepté? Mais non, regarde, elle a dû payer 10 jours en retard. Mais quand tu payes 10 jours en retard, ça veut dire que le truc n'est pas validé pour ton mois ou tes 3 mois. Ça dépend un peu comment tu payes. Sur les 10 jours où t'as pas payé quoi. Là. Voilà, exactement. Enfin, ils peuvent se battre sur ça quoi. Voilà, tu peux avoir du retard, mais je pense que. Ils ont des bons avocats en général. Ouais. Mais je crois que c'est défendable avec un avocat. Hein, oui, bien sûr. Par contre, Tatiana. Surtout qu'elle a fait l'accident le jour après où elle a payé. Donc, C'est ça, c'est relou. Si maintenant, prouvez que ton patron t'a payé en retard. Alors, on va dire, oui, mais madame, vous devez mettre en épargne. Alors, parfois, maintenant, l'épargne, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Tout le monde n'est pas capable d'épargner, oui, quoi. Mais déjà, au pire, tu mets de l'argent de côté si t'as envie, c'est pas eux de choisir. Bien sûr, c'est ton style de vie et tout ça. Mais maintenant, c'est ce qu'on dit, hein. Oui, mais alors, vous devez prévoir ce genre de situation, blablabla. Non, ton patron t'a payé en retard. Alors, déjà, peut-être que lui, il a eu un empêchement, mais ça te met dans la merde. Donc, rien ne t'empêche, non pas de te retourner forcément contre ton patron. Mais en tout cas, parce que ça serait galère de se retourner contre son patron, mais aller voir un avocat, ça coûte que 50 euros de consulter un avocat. Alors quand c'est je dis que ça dépend bien sûr, c'est relatif, mais en tout cas, c'est intéressant de dire avec 50 euros, tu y vas et tu peux avoir tous les conseils juridiques et on te dit, voilà, clairement, là, vous avez une possibilité claire de pouvoir récupérer quelque chose d'intéressant, okay. Ou alors, on vous conseille de laisser tomber. Mais c'est intéressant toujours de consulter un avocat ou demander à des amis avocats. Je crois même qu'il y a des prodéos, enfin, les prodéos, ça dépend des situations, mais il y a moyen de les choper des sur Internet, grave. Ah, grave. Cool. Ouais, les médiateurs, c'est des arnaques. Je crois même qu'il y en a qui donnent des conseils gratuits. Vince, pouvez passer mon message vocal en live, s'il te plaît. Là. Alors... On est dans la voiture avec énergie, la rage, tu kiffes. Vince, tu déchires. Nigel, on t'encule. Ta daronne a trois tétons. Pompoclate. Moi, je suis sûr qu'il me kiffe, hein, parce qu'il reprend grave mes punchlines. Bien, c'est bon ce message. Les assurances, c'est les plus grosses crapules. Ah ouais, écoute, ça, c'est toute une histoire, les assurances. Obligé, hein. Qu'est-ce que tu veux? Si vous voulez gagner plein d'argent dans votre vie, devenez courtier. Ou peut-être pas, hein, ça dépend un petit peu dans quel domaine. Il paraît par contre, ça c'est un assureur qui m'a dit ça, que l'assurance n'est pas rentable pour les véhicules. Pareil, qui gagne les assureurs ne gagnent pas grand. En voilà. Fait, ils te font acheter d'autres choses avec. Ouais, ouais c'est ça. Ça tu ouais. Compléter oui, parce pour, que pour avoir ce tarif-là, il vous faut une RC privée de ta. Parce que les assurances, t'es obligé d'avoir quand t'achètes un véhicule. La Belgique est un pays où t'es obligé d'avoir une assurance. Et des pays, t'es pas obligé de prendre une assurance. C'est vrai. Ouais, des pays, tu peux rouler sans assurance. C'est pas une obligation de la loi. Ah ouais. Et donc ici, c'est obligé, mais il paraît que c'est pas un secteur rentable, en tout cas l'assurance des véhicules ouais, et tout ça. C'est qui dit ça, les courtiers. Ouais. Exactement. Ils sont peut-être malins. Vince, que tu viens toujours à Verviers demain. Si oui, à quelle heure? Mandy qui m'envoie ce message. Tu es à Verviers. Je serai demain matin à l'IPES de Verviers. Ouais. Ah, respect. Ouais, mais pas pour voir les auditeurs, hein, pour voilà, rencontrer des patrons, rencontrer des boss. Et en plus, normalement, vous serez en examen. Hein. Ouais, grave. Non, il y a l'examen qui est annulé. Pour beaucoup de gens à Verviers. C'est vrai, c'est la grève demain. Ouais, c'est la grève demain, générale demain. Si je viens pas, c'est pas de ma faute. Hein. Bah, t'écoutes, non, je sais que tu seras au concert de Damso. C'est demain. C'est demain le concert de Damso, ouais. Ah, non, mais ça, faut pas le dire. Dédicace à tout Moucron que nous envoyez. En France, c'est hyper obligatoire. Non, mais chez nous aussi, en Belgique, hein, grave. Bon, les amis, on récupère Nicolas dans le standard. Allô, Nico, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Formidable. Nico est dans la maison. Sur Énergie. All right. Nico, mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu t'es fait arrêter parce qu'il y avait une embrouille, là. Une embrouille un petit peu bizarre. Enfin, bizarre. Une embrouille qui peut arriver à n'importe quel gars. Vas-y, raconte. Oui, ma copine m'a rendu cocu. Enfin, mon ex-copine. Connasse. Pardon, excuse-moi. Pardon, désolé. Attends, on ne connaît pas sa version à elle. Oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, quand même, quand tu rends cocu, il n'y a rien qui excuse. Hein. C'est vrai. Voilà. Non, mais elle est consentante, donc voilà. Mais. Elle m'a rendu cocu et je l'ai appris quelques jours après et du coup ben son gars vu que je savais j'ai appris où il travaillait, j'ai été le rencontrer sur son lieu de travail, il travaillait au Deleuze à Virton. Non, il travaille chez Énergie, c'est moi. Ouais, donc et du coup j'ai été ce jour-là en voiture sur son lieu de travail, j'ai cherché dans les rayons et quand je l'ai trouvé ben je lui ai un peu dit ma façon de penser et là le boss qui a vu que ben j'étais un peu chaud avec lui. Il a appelé les flics et j'ai eu le temps de rentrer dans ma voiture pour l'attendre dehors pour ben je voulais le frapper à ce moment-là en fait au moment qu'il sortait de son boulot et là à un moment je vois trois combis de flics arriver qui me bloquent la voiture pour plus que je parte, deux flics qui rentrent dans le magasin et deux autres qui viennent vers moi pour ben ils m'ont collé sur le capot devant tout le monde et tout, enfin j'avais un peu la honte quoi. Et du coup est-ce que quelqu'un t'a mis une matraque dans le cul après ou pas? Non, j'aurais bien aimé, mais voilà. Non, vous pouvez éviter ce genre de situation. Maintenant, Nico. Quoi, tu trouves que c'est injuste? Bah ouais, parce que je l'aurais peut-être pas frappé. Enfin, c'était un peu fort d'appeler les flics. Je l'aurais peut-être pas frappé. Ouais, ils peuvent pas savoir. Donc lui, il a appelé les flics. Bon, maintenant, il s'est senti en danger, donc c'est pour ça qu'il a appelé les flics son côté. Maintenant, une question. Est-ce qu'il te connaissait, Nico? Il m'avait déjà vu parce que une fois, j'avais été rechercher ma copine à l'arrêt de bus. Enfin, mon ex-copine à l'arrêt de bus, et il était là et. Et du coup, elle m'avait dit que c'était un bête copain, quoi. Mais en fait, c'était avec lui qu'elle me trompait, quoi. Toujours se méfier d'une meuf qui dit « Oh, c'est un bête copain ». Non, je suis désolé. Une meuf qui dit « C'est un copain », c'est qu'elle assume « C'est un pote, c'est un copain ». Mais quand tu rajoutes le mot « Laisse tomber, c'est un bête copain », ah, ça, c'est pour essayer de noyer le truc. Ah, c'est l'adjectif qui fait le... Ouais, parce que pourquoi tu veux forcer le trait sur « bête copain » ». Si c'est un copain tout court, tu vois, il y a pas de problème. C'est un ami. Ça va aussi. Oui, non, mais c'est un ami. C'est un ami. Ouais, mais genre c'est lui. C'est un bête pote, ça passe pas. C'est ça, mais par contre, quand tu rajoutes un petit adjectif devant, genre, c'est un bête gars là comme ça, vite fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Ça c'est pour essayer de flouter un peu, flouer le truc. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que t'as pas une discussion avec ta copine plutôt que d'aller voir ce gars qui a rien à voir, quoi. Alors oui, parlons-en, mesdames et messieurs, temps de la méditation. Ah. Bah parce que c'était pas la première fois que j'avais des soupçons et puis voilà, je me suis dit autant aller voir. C'est ta copine le problème, c'est pas lui. Bah si, parce que lui il le savait qu'elle avait un copain, donc du coup il avait oui mais lui c'est sa conscience, il a rien à voir avec toi, et ta copine elle savait encore plus qu'elle avait un copain. Bah arrête, il a grave raison. T'es sûr? Bah oui, il a raison. Moi, parce que le mec il voit qu'il est avec une meuf. Il est avec son ex, là. Il est avec elle à l'arrêt de bus. Il voit que son mec vient la chercher. Au final, il se dit ouais, j'ai quand même la baiser. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais d'accord, évidemment, c'est pas sympa. Mais du coup, c'est de la faute de la. Non, c'est les deux. Parce que l'autre est au courant. Et du coup, il manque de respect à la personne qu'il a déjà vue. Mais s'il l'avait pas encore vu et que sa meuf le disait pas, ok. Mais là, il le savait. Ouais, c'est le moment pour nous de reconnecter notre chakra, nous les mâles qui par moments réagissons encore avec notre cerveau reptilien. Right. Puisque bien sûr, nous nous attaquons toujours à la personne qu'on estime est en train de prendre notre place. On a ce vieux réflexe de se dire « Ma meuf m'a trompé, je vais tabasser le mec !» Messieurs, soyons plus intelligents que ça. C'est votre meuf, vous devez... Non, c'est une blague, non, non, surtout pas, non, surtout pas. Mais les meufs aussi, c'est pareil, hein. C'est le moment où vous devez garder votre calme, reculer et vous dire ne faut pas s'en prendre à la personne qui, techniquement, extérieur. N'a un extérieur que vous connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez vite fait, mais la personne coupable, c'est celle avec, que vous, avec qui vous avez partagé des moments de votre vie. Ouais. C'est votre petite copine, ou vous, mademoiselle, votre petit copain. Oui, parce que les filles s'en prennent aussi aux filles, hein. Clairement. Donc si jamais, mademoiselle, vous voyez votre mec occupé avec une autre meuf dans un lit... C'est pas la faute de la meuf. C'est pas sur la meuf qu'il faut s'en prendre. Même si elle connaît la situation, qu'elle sait, gna gna gna gna gna... T'as aucune relation avec elle. Vous devez régler votre problème avec la personne concernée. Ouais. Mais souvent, on se dit... Oh, il a pris mon territoire. Et imagine, t'es en train de te faire enculer, après, ton mec qui tombe sur toi, tu fais doublement enculer, en fait. Oui, ça, dans ce genre de cas, oui. Ça suffit. Donc voilà, Vince, ça dépend si c'est un pote. Ah, si c'est un pote, c'est une trahison, mais malgré tout... Malgré tout... Vous devez des comptes, et la personne qui vous doit des comptes, c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Ah ouais. Ouais. C'est elle qui trompe. Qu'est-ce qu'il en pense, notre ami Eddy? Il a l'air dubitatif. Ouais, moi, je suis pas trop d'accord non plus. Hein. C'est vrai, je suis plus de l'avis de Nigel en mode. Si jamais la personne le sait, la personne avec qui ton copain ou ta copine te trompe, elle le sait. Je trouve que c'est quand même un manque de respect parce qu'elle connaissait la situation. Donc, on n'est pas des animaux, on a un instinct pour réfléchir. Mais, ouais, mais du coup, en connaissance de cause, je crois qu'à partir du moment où. Tu sais que la personne est en couple et que tu fais quand même ce que tu fais avec elle, que ce soit coucher avec elle ou n'importe quoi. Même l'embrasser. Elle le sait, ouais, elle le sait. Donc, mais tu le sais que la personne. Bien sûr, tu le sais, mais quoi qu'il arrive. T'as pas de relation avec cette personne. C'est ça, cette personne, c'est une personne extérieure. Si, mais t'as pas de relation avec cette personne, mais t'as une relation avec la personne à qui elle parle. Attendez, laissez parler, qu'est-ce que tu dis ? Sauf si c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui fait un sale coup avec ton copain. Ça, c'est très différent parce qu'il y a une relation à trois, du coup. Ça, c'est pire. Alors, Frédéric me dit, moi je les défonce tous les deux. Voilà, c'est ce qui est envoyé. Les amis, il faut essayer d'aller au-delà de ça. Parce que c'est normal, hein. Ça nous monte et là, on a envie d'attraper le gars et dire fils de et tout ça, machin. Mais c'est parce que votre conjointe, votre copine, a accepté cette situation. C'est elle qui avait le choix de le faire. Parce qu'à un moment donné, ta meuf, il y a plein de mecs qui la draguent peut-être en même temps sur Instagram, sur Tinder, sur Facebook. Déjà, qu'est-ce que tu fais sur Tinder si t'es en couple? Mais bref, mais en tout cas, il est normal qu'une femme est souvent courtisée. Ça, tu ne pourras jamais rien faire par rapport à ça. Ce sera toujours le cas. Et donc, imagine, tu dois t'en prendre à tous les mecs qui la courtisent. C'est pas possible. Donc, tu dois t'en prendre, techniquement, quand pas physiquement. Elle fait le choix de passer la ligne. Voilà, parce que ça reste le choix de ta meuf. C'est elle qui a décidé de. Alors, ça, tu pourras jamais empêcher les dragouillages de tous les côtés. Tu pourras jamais empêcher un mec d'arriver au pas de la porte de ta meuf, etc. T'es pas au courant et de toquer bonjour, salut, je peux venir, etc. Tu peux pas empêcher ça. Ça, c'est inévitable. Il suffit qu'une ta meuf, elle mette une photo d'elle un peu bomba sur Facebook, ça y est, tous les charros qui la collent. Ouais. On est d'accord. Mais est-ce que tout le monde sait c'est quoi une cuisse par hasard? Mais en attendant. Je peux comprendre qu'on a cette pression qui nous monte et qu'on a envie de défoncer la personne. Je l'ai vécu aussi, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Et tu l'as déjà fait? Est-ce ou que tu crois que les mecs s'en prennent aux mecs? Ouais, je l'ai fait. Si, je l'ai fait. Non, c'est pas bien. Est-ce que tu crois que les mecs s'en prennent aux mecs, justement? Une question de territoire. Non, mais aussi peut-être parce qu'ils ressentent une violence, une colère, donc ils peuvent pas s'en prendre à la meuf, donc ils s'en prennent à même, au même niveau qu'eux, quoi, oui, vers parce le mec. Que tu, vous préférez quoi, qu'on frappe une meuf? Non, combien de fois c'est pas arrivé que le mec soit pas au courant? Le mec, tranquille, il a une histoire avec une meuf, et tout d'un coup, il y a le mec qui rentre. Quoi? Bah oui. Est-ce que c'est normal de ramasser dans ta gueule? T'es une victime. Je suis désolé, t'es pas au courant qu'il y avait. Bah bien sûr. Les amis, on en parle dans quelques minutes. On revient là-dessus. Puisque je dois encore raconter mon arrestation là. Et Nico va nous raconter la finalité de ce truc-là. Est-ce qu'il a porté plainte ou pas? Non, il a pas voulu porter plainte parce qu'au final, elle est revenue et puis enfin mon ex est revenue. Et elle a été près de lui dire qu'elle ne porte pas plainte, quoi. Donc voilà. D'accord. Bon, en même temps, c'est bien que ce soit ton ex, hein. Sinon, j'aurais quand même flippé. Il l'a enculé, il va quand même pas l'enculer deux fois. Bon, Nigel, là. Mais t'as fait la même blague, quand même. Ouais, je sais. T'as dans l'abus avec tes blagues, Nigel. Je l'assume. Je sais, ça je constate. Hein. Bon, les amis, bougez pas, on va se faire le son de Soprano qui arrive dans quelques instants sur Énergie avec Niska. Zoom, zoom, j'ai promis une auditrice là. Eh ben, c'est parti, il va arriver tout de suite. Et Nico, bah, tu restes avec nous aussi. Enfin, je sais pas, Nico, tu veux encore raconter le truc ou alors t'as tout dit? Oh, bah, il reste pas grand chose à dire. Juste qu'après, j'ai été au poste et ils ont pris toutes mes empreintes. Et puis voilà, après, j'ai pu repartir. Je sais pas moi, qu'est-ce que. Eh ben, bon, c'est jamais que il tu est venu récidives. Sur le lieu de travail d'un gars pour le pétard, si tu veux. Voilà, ouais. Ou pour parler avec lui, on sait jamais. Oui, mais... Effectivement. Sorry, hein. Bon, les amis, bougez pas. On arrive dans quelques instants sur Énergie. Là, on a pas mal de réactions qui arrivent. Le Give Mo 5 aussi, ça va arriver. Vince, si l'autre savait pas, alors 100% pour ton mec ou ta meuf mort de rire. Attention que se faire sucer, c'est pas tromper, comme dit Damso. Vince, je vous écoute en cachette. On en parle demain. Reste bien caché. Attention, méfie-toi et tout ça. Vince, 100% d'accord avec toi. Vince, moi, quand j'étais en vacances, j'avais 7 ans. À 23h, je suis parti de l'hôtel en cachette et j'ai traîné avec des gars de 16-18 ans et j'ai croisé et il avait de la poudre blanche qu'il fumait. J'ai compris 2 ans plus tard ce que c'était. Bizarre quand même, hein, ton truc. Bon, allez, on arrive dans quelques instants sur Énergie. Il y a plein d'avis différents qui arrivent, notamment une réaction là, vite fait. Alors. Moi, j'ai une anecdote avec la police. Je me suis fait arrêter en train de faire du trafic et ils m'ont lâché. Ah bon ? Je te promets. Un truc de ouf, tu peux même pas t'imaginer. Et c'est super cher, hein, ça peut monter à des 25 000 euros d'amende, hein, les graffitis. 25 hein. Ouais, surtout si on voit que t'as graffiti, t'as tagué partout. Ah ouais. Et ben on calcule, je crois que c'est un truc genre 3 000 euros par mur pour nettoyage. Donc admettons, t'as fait 50 murs dans ta life. Ah, des tags. T'es, ouais, graffiti, graffiti tag. Si on reconnaît ton dessin, c'est ça. T'es dans la merde, t'es dans la merde. Ouais, complètement. Le graffiti, les gars, dangereux, on arrive tout de suite. Bougez pas. Téléchargez maintenant l'appli qui vous propose de la musique gratuite, sans abonnement. En illimité. C'est l'appli Énergie Belgique. Tous les hits, tous les styles, tout le temps. Avec plus de 15 radios de hits thématiques et des lives exclusifs de vos stars musicales préférées, enregistrés dans le studio d'Énergie. L'appli Énergie Belgique est disponible gratuitement sur tous les stores. I have to try. I can feel it in my bones. There's no more lies. Need to leave my comfort zone. Look in my eyes. If you don't turn to stone, I'd be surprised. But I can go on my own. It all started in November. We made it through the summer. You might get lost, but just remember. Don't hold back. I sing this song for the moment. And pride. No interest is shown, but I'm not the type to leave before the dawn. I sing this song for the moment. Tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Mais bien sûr que je suis là, les Sopranos avec Niska Zoom, c'est ce qui démarre. Mais attention, il y a Abdel qui m'a envoyé une info trafic. Bon, je sais pas si elle est crédible, je vais cliquer sur play. Salut, Drelé dans la maison, c'est pour faire un info trafic. Je suis sur le 411, direction Bruxelles, direction Luxembourg-Bruxelles. Entre la sortie de l'église et l'aire de repos l'église. Il y a un pet qui vient de se passer là, trois voitures, l'autoroute est coupée en ce moment. Okay. Donc à éviter. Eh ben super, merci en tout cas Abdel pour l'info là. Plus rapide que Waze, plus rapide que n'importe quelle info trafic, ça c'est bon là. Vigne chantier sur autoroute, je déteste ça, mais putain mais on m'envoie que des infos trafic ce soir là, c'est génial cette émission. Vigne, j'aimerais gagner une PS4 ou autre chose, mais je veux pas passer au téléphone. Ah mais attends, mais ouais, tu peux pas vouloir tout comme ça à la fois. Vigne en route pour l'Allemagne. Je vous entendrai bientôt plus. Energie.be mon pote, Energie.be, ça fonctionne toujours très très bien là. Petit message. Oh, on m'envoie de la musique carrément là. Hey.

Ouais, complètement. Bah, c'est les expériences de la life, on va dire. Il y a déjà une partie rue de Liège, dépôt Lidl, Courcelles. Ouais, visiblement, ils font des, ils livrent, ils donnent des palettes là de boissons là. J'espère que c'est pas du fake. Hein, au Lidl de Courcelles, je sais pas, c'est ce que je lis là. Florian qui m'envoie ça là. Voilà, je connais pas trop les détails, mais merci pour l'info. Ouais, Vince dédicace au Collège Sainte-Marie de Moucron et j'ai examen de SC et maths demain. Et puis je vais manger un tacos. Eh ben merci pour ton petit programme de demain, ça fait plaisir. faudrait que je passe une fois dans ton école. Un petit coucou, tiens. Vince, on a une question pour toi. Oui, Audrey. Si tu dors entre une fille et un garçon, ouais, tu tournes le dos à qui? Oh putain. Tu tournes le dos à qui, petit coquin? On veut tout savoir. Oh là là, j'adore ce genre de questions. C'est rare que les auditeurs m'envoient des questions, tiens. C'est vrai, vous pouvez le faire quand vous voulez, en fait. Tu sais quoi? Dis-moi. Tu dors sur le dos? Mais moi, le truc, c'est que je dors que dans un sens ou dans l'autre. Ah ouais? Je ne peux m'endormir que sur le côté. C'est vrai? Et je me réveille toujours. Allez, la tête dans l'oreiller. Sérieux? Toujours. Moi, le dos, je suis obligée de m'endormir sur le dos. C'est une blague! Ah non, sur le ventre! Pardon, ah ouais, moi, sur le dos, c'est impossible que je m'endorme. Impossible, pareil, je peux pas m'endormir sur le dos. J'arrive pas. Impossible. Sauf des siestes. Bizarrement, quand c'est une sieste, ouais, tu t'as pas de problème, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Tu t'endors n'importe quoi. Tu te dis, ouais, de toute façon, c'est pas pour longtemps et tout. Alors, je tourne le dos à qui? Mais, oh putain. Si tu tournes le dos à ta meuf. Mais non, c'est pas ça. Autant t'as le gars en face de toi. Ouais. Bah, tu sais quoi? Non, je vais mettre face à la demoiselle, mais je vais serrer les fesses quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais. Non, moi je serais l'inverse. Personne a dit qu'il était gay, hein, le gars. Bah, c'est ça. Non, mais même, hein. On sait jamais. Le matin avec l'érection, ça rentre dans ton cul vite, hein. Vite fait, bien fait, allez, salut. Ouais, mais tu sais, entre le réveil et le. Je sais pas, j'ai toujours cette image du, tu sais, du matin où t'as tel le gars sans faire exprès, va mettre son bras autour de toi et tout. Et mais comme si je suis pas de ce bord-là. Bah oui, mais non, je préfère alors du coup être face à face avec mademoiselle en plus. Voilà, la meuf, on est bien d'accord. Moi, je peux donner mon cul à la meuf, comme ça, c'est au pire, au cas où je pourrais me faire enculer, c'est moi qui encule. Ah. Merci, les meufs, elles détestent quand leur gars, il lui tourne le dos. Et ils ouais, excusez-moi, il y a un message de Martin qui m'a interpellé. J'ai été arrêté pour une alerte à la bombe dans une école de Waterloo. Hein, le mec a fait une alerte comment à la bombe. S'appelle il s'appelle Martin, lui. Il faudrait qu'on essaie de l'appeler. Je ne sais pas du tout. Vince, raconte-nous pourquoi t'es fait arrêter, toi. Ouais, après, on passe en mode Matisse et Thibaut, là, pour le Kimbo 5. Pourquoi j'ai été arrêté, moi, par la police? Pour plusieurs raisons. Première fois, je l'ai déjà raconté dans cette émission, des faux billets. Voilà, que j'avais fait. Pour une autre fois, j'avais flingue à billes, etc. Et on a cru que c'était un vrai flingue. Voilà, par contre. T'étais vraiment un thug, en fait. Ouais, c'était quand j'étais jeune, ça. Voilà. Par contre, en tant qu'animateur radio, j'ai été arrêté pour plusieurs raisons. Parce que il y avait un flic en civil qui voulait m'empêcher d'accéder tout simplement à l'endroit où je travaillais. Une de nuit et tout ça en disant non c'est pas possible monsieur, c'est complet. Je fais, vous êtes parti de la boîte monsieur? Non, je suis policier en civil mais on a fait le compte et il y a trop de personnes. Je fais, bah c'est con parce que du coup si j'y vais pas il y aura pas de musique. Non mais monsieur, je vous ai dit vous rentrez pas. Alors je suis resté très poli pendant un moment, mais je vois que le mec il voulait pas comprendre que c'était mon lieu de travail et qu'il fallait pas me compter comme les personnes qui font partie d'une, tu sais quand tu rentres dans une salle, les salles sont limitées à un certain chiffre et parfois la police vient voir et si jamais ils constatent qu'il y a plus de gens que prévu, ouais, ils peuvent faire fermer l'endroit. C'est pour des raisons de sécurité, ah, pour oui, les incendies, ah, et tout, ouais, ça. Ouais, normalement. Je savais pas ça. S'il y a une estimation des pompiers comme quoi il peut y avoir 2000 personnes, si t'as 2100 personnes, c'est mort, hein. Bah oui. C'est okay, foutu, tu te ramasses amende et tout et fin de truc parce que c'est dangereux. Ah ouais, il ouais, peut y avoir mouvement de panique et tout le truc. Donc moi je comprenais son métier au gars, je comprenais pourquoi il faisait ça, mais je lui dis, mais attendez, je vais travailler. C'est-à-dire que je vais dans une zone où il y a que moi. Le gars il voulait pas comprendre et à un moment donné, il était là, mais tu voyais bien qu'il voulait, je sais pas, il voulait se faire mousser un peu, pas se faire mousser, se faire mousser c'est pas le bon terme, mais un peu genre. Il voulait se faire sucer. Il voulait qu'on lui lèche le cul, tu vois. Et à un moment, je lui dis, putain, mais après ça, tu vas faire. Je me suis permis de le tutoyer. Je dis, mais après ça, tu vas faire les feux, en fait. Tu vas faire les feux rouges. Oh my god. Le mec, il a mal pris, il m'a plaqué, hop, il m'a foutu les menottes et il a appelé un truc parce que, soi-disant, j'ai manque de respect à agent de police. Outrage à agent. Comment ça, soi-disant? Outrage à agent. Tu trouves que c'est soi-disant un manque de respect? C'est un manque de respect pour moi. Je suis désolé, c'est un manque de respect par rapport à mon travail. Je suis resté méga poli. Le mec m'a interdit l'accès. C'est un agent de police. Non, mais il m'a interdit l'accès, mais sauf qu'à un moment donné, quand il m'a mal parlé et quand je me suis permis de rester courtois avec lui, mais quand il s'est rendu compte que la personne avec qui il s'est exprimé, bah, c'est pas une personne qui peut tourner les talons puisque c'est mon lieu de travail. Et puis encore, ouais, c'était ma soirée. Et donc, du coup. Oh non, si, et donc, du coup, allez, je veux dire, mec, t'es en train d'arrêter la personne qui organise l'événement. Donc, c'est un peu con. Sauf que le gars, quand il a compris qu'il s'est retrouvé face à quelqu'un, entre guillemets, à qui il ne pouvait pas le faire, il y a un peu son ego qui remontait. Et donc, du coup, c'était une fight un peu de genre, ouais, qui va abandonner en premier? Lui, là, alors quand son supérieur est venu, hop, c'est bon, parce qu'on allait ouais, partir au truc. Et son supérieur est venu en disant, mais c'est bon, mais laisse-le, machin. Moi, et la honte pour lui, la honte pour lui. Un de ses collègues est venu en disant, putain, mais c'est Vince de la radio, toi aussi, t'es con. et le mec, oh, fais chier, tout ça. Et puis, boum, c'est bon, j'ai pu rentrer faire mon taf. Mais entre-temps, voilà, arrestation sur le coup là. Une autre arrestation, j'ai dû aller à la police. soi-disant faux témoignage. Oh là là. Comment faux ça témoignage. Faux témoignage. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis témoin d'un truc qui a lieu en ruche ou en vélo. Je suis témoin d'un truc. Donc moi, j'appelle la police débarque, etc. Et alors, du coup, j'explique ce que j'ai vu. Monsieur, suivez-nous au poste. Comment ça, suivez-nous au poste? Enfin, voilà, je vous explique. Non, mais pour votre déposition. Et en fait, ils ont de plus en plus tourné la question dans l'autre sens. En mode, en fait, ils ont prétendu que je connaissais un des gars parce qu'il y a une bande qui s'est battue ou je sais pas. Ils pensaient que j'ai témoigné, mais genre, pour pas dire la vérité parce que je fais partie de la bande du gars. Oh. Et moi je leur dis, mais les gars, regardez, excusez-moi, est-ce que j'ai une gueule de faire partie d'une bande? Et là, monsieur, écoutez, il n'y a pas de tête à avoir. Ça veut dire pour moi, oui, t'as la tête. Cette réponse-là était claire pour moi. Donc voilà, un truc dans le genre. Et voilà. Puis parfois, sinon, il y a plein d'histoires avec des policiers très professionnels, très très cool, qui ont vraiment été nickel sur plein de situations, très intelligents, qui ont fait preuve de discernement dans des trucs de ouf. Comme il y a des gros cons, je le dis clairement à l'antenne. Hein, les policiers qui nous écoutent, il y a vraiment des gros connards de cow-boys et comme des gens qui sont méga intelligents qui arrivent à faire montrer les capacités, les qualités surtout de cette profession. Voilà, qui est une vocation de base. Bien sûr, regarde la radio, vous êtes tous intelligents. Moi, je suis le gros con, mais je vous emmerde. Voilà, mais c'est bien qu'ils l'avouent déjà. Hein. Voilà. Non, mais sérieusement, voilà, je sais qu'il y a des policiers qui nous écoutent et j'ai vraiment respect à ceux qui font bien leur taf. Un jour, je me rappellerai toute ma vie des mecs qui sont refusés de rentrer dans une soirée, donc ils prennent des pavés, ils débloquent des pavés, ils les jettent et ils pètent toute la vitre du bar. C'était à Bruxelles, centre-ville et tout. Et les mecs qui s'enfuient. Alors moi, à ce moment-là, j'étais DJ à cet événement-là. En plus, je faisais partie entre guillemets de la co-organisation. Je me dis, ah non, je vais pas les laisser s'enfuir comme ça. Donc, je cours derrière eux, j'appelle la police en même temps. La police, ils arrivent. Ils étaient sur le point de m'attraper. Je fais, c'est pas moi, c'est eux. Et en fait, ils m'ont cru tout de suite. Je pouvais mentir, tu vois. Mais non, ils m'ont cru tout de suite. C'est moi qui vous ai appelé. Et puis alors, ils les ont chopés. Et voilà. Et puis finalement, ils nous ont dit, merci, grâce à vous, on a traité une personne qui a commis des viols et tout. T'as été un bon scum police. Pour une fois, j'étais un bon scum. Parce qu'on balance pas. Mais bon, tu sais, ils ont pété les carreaux. Et mine de rien, j'ai perdu des thunes à cette soirée, tu vois. Parce que les gens, ils sont cassés, c'est normal. C'est relou. Donc, je me suis dit, vous faites perdre des thunes, je vais vous faire perdre des années. tu vas voir. Non, mais voilà. Donc, eux, ils ont vraiment été super pro, très très pote et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Vince, mon copain, il a trompé il y a 3 ans avec une vieille LED, toute LED, même si je la trouve pas top. Bref, je l'ai suivi. Tu sais quoi, regarde le message d'Eden du Luxembourg là. J'ai l'impression que ce thème là, il y a tout le monde qui a réagi dessus. Hein, de dingue. Les tromperies. Les tromperies et tout ça. On va en parler la semaine prochaine. Et Martin là, avant le Give Me 5, allô Martin? Allô Martin? Martin est dans la maison. Zo, tu vois l'argile? Ça va Martin? Merci. Cherche la voiture. Ça va ou quoi? Ah ben ça t'entend tellement mieux maintenant. Ça va mon pote. Martin, toi t'as fait le con. Toi t'es un bombardier. Toi t'es un pirate. Non, j'ai pas fait le con. Je me suis fait arrêter pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ah, c'est pas toi qui as fait ça, d'accord. Donc t'es pas con, mais tu es un con. Ah, mais explique-nous Martin le bombardier. Vas-y. Martin le bombardier. Ben j'étais, je sais pas si vous connaissez le dernier mont à Waterloo. Oui, c'était mon ancienne école. Ah bon, d'accord. Bah comme quoi, tu connais la Rhin. Moi j'étais à la Rivabella. Ah oui, je connaissais très bien, oui. J'étais en quatrième secondaire, ma première quatrième secondaire. La police est arrivée à l'école, enfin non. D'abord mon éducatrice m'a dit, Martin, tu fais venir, tout ça. Donc je suis arrivé dans son bureau et je lui ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, que j'ai encore fait. J'arrive, Madame Léger, du coup, pour lui dire un petit coucou. Oui. Et j'arrive, et elle me dit, je suis à la radio là ou pas encore? Bien sûr, non. Mais... Oh putain, ma tête! Si, bien sûr, Martin, on est en direct là, toute la Belgique t'écoute, vas-y. Hashtag Rivabella quand même. Et Luxembourg. Vas-y, il faut que tu viennes et tout. Et puis il me dit, ouais, il y a la police qui a appelé, qui veut te voir et tout ça. Et donc j'ai dû aller près du proviseur et tout, attendre la police. Et donc les flics sont arrivés, mais ils sont arrivés en civil. Ils sont arrivés, mais tu vois vraiment que c'était pas des bêtes policiers, quoi. Et donc ils sont arrivés. Et puis ils me chopent, moi je sais pas c'est pourquoi. J'avais fait pas mal de conneries avant, mais je sais pas c'est pourquoi. Donc, moi, d'accord. Je me dis dans ma tête, mais putain, pourquoi ça peut être? Pourquoi ça peut être? Et à ce moment-là. Pourquoi ça peut être? Pourquoi ça peut être? Moi qui l'ai fait 4 fois, ça 4 ouais, fois. Ouais, j'allais dire. Il vient de ton école, hein, Lara. Non, il vient de Rivabella. À ce moment-là, avec des potes, dont mon gars Juan qui est dans la voiture qui m'entend, on a fait un faux compte Facebook. Et je me suis dit, putain, je suis sûr c'est pour ça et tout, parce que c'était à cette période-là. Mais par contre, tu sais pas, et puis expliquer ton histoire un peu plus. Laisse-le raconter, vas-y. Il nous met dans l'ambiance. Tu vas voir, la chute, elle est lourde. Ouais, mais on n'a pas 30 minutes devant nous. Elle est lourde comme Nigel, vas-y, continue. Attends. Vas-y, et donc, voilà, je me dis, putain, c'est pour ça. Donc, je sors de l'école, donc, avec des flics en civlard. Donc, les élèves, ils se disent, ouais, c'est normal, c'est peut-être ses parents, c'est des PD. Dans la bulle direct. Je vois pas le rapport. Ouais, vas-y, continue, ouais. C'est deux mecs qui viennent me chercher de l'école, des gens ensemble. Donc, soit, on sort de l'école, on arrive, les bâtards s'étaient garés avec la voiture de police devant l'école. Tu vois ce que je veux dire? Cramé. Donc je rentre dans la voiture de police, j'étais pas menotté ni rien. Ils l'ont fait tranquille, ils m'ont fait rentrer ma voiture. On est arrivé au commissariat de Waterloo. Et là, ils m'ont dit, tu sais pourquoi t'es là? La question habituelle. Non, pourquoi? Ouais, pourquoi t'es là? Mais j'ai dit non, je sais pas et tout. Ouais, ça se voit que tu l'avais vu. Et puis, ils ont commencé à me parler de l'histoire. Ouais, il y a eu une attente. Il y a une alerte à la bombe au Berlaymont à Waterloo. D'accord, dans l'école, ouais. Vous demandez aux personnes qui vous écoutent s'il y a vraiment eu ce truc. Il y a vraiment eu, Attends, compte avec moi. J'ai fait quatrième, cinquième. D'accord, Martin. Mais t'as la voiture de police et on te dit ce qui s'est passé. Mais donc, du coup, parce que tu me donnes plein de détails sur le côté. Mais en gros, c'est quoi la chute de l'histoire? Attends, après. Attends. Tu veux encore des détails? Le flic, trop cool. Ils me disent quoi? Tu veux un café? Tu veux fumer? On fumait dans le bureau, tu vois, pour te dire que c'était pas des bêtes flics. Pendant mon audition, je fumais ma clope. Ok. Mais que ça va, que ce soit des bêtes flics ou pas, si tu fumes une clope. Normalement, t'as pas vraiment le droit, mais bon. C'est des flics comme dans les films américains, tu vois. Ils étaient en train de le mettre à l'aise pour qu'il crache le morceau. Voilà, c'est ça. Vas-y, raconte-nous, dis-nous que t'es un terroriste. Allez, tiens, prends une clope. Vas-y, continue. Y a pas de chute, mais c'est juste qu'il y a. Il y a pas de chute, parce que la chute, je vous l'ai dit à l'avant, c'est que c'était l'alerte au truc, moi je comprenais pas. Mais donc, c'est pas toi, quoi. Mais non, jamais de la vie. Mais c'est ça ton anecdote. Pourquoi ils sont venus voir lui? Et pourquoi c'était sur toi, genre comme par hasard? Mais ils n'en savent rien. Après, ils m'ont demandé mon compte Facebook, mon mot de passe Facebook. D'ailleurs, à la base, avant. En fait, c'est des faux flics, tu vois. Ils ont volé son identité. C'est ta meuf qui les a envoyés. Martin, mon pote. La drogue, c'est de l'eau. La drogue, c'est de l'eau. La drogue, c'est de l'eau. Les boulots sur l'alcool, mon pote. Putain, comment tu racontes les trucs là. Ce qui est super fou, c'est qu'en fait, dans cette école du Berlaymont, tous les 6 mois, il y avait une alerte à la bombe. On ne sait pas pourquoi. Sérieux? Je te promets. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont confondu avec le Berlaymont à Bruxelles là? Mais c'est peut-être ça. Je crois que c'est ça en fait. Mais les gars, il y a un endroit, il y a tout le temps des alertes à la bombe. C'est le Parlement européen, pas le Parlement, mais la Commission européenne, c'est le Berlaymont. Le Berlaymont, bien sûr. Ou c'est le Lambermont? Non, le Berlaymont. Non, le Berlaymont à Schuman. Et donc je me demande s'il y a pas des mecs dans le bottin ou sur Google, ils ont tapé Berlaymont, ils ont dit ah on va faire une alerte à la bombe, un truc européen. Alors qu'en fait, parce qu'ils ont tous les jours des alertes à la bombe, tu vois, des trucs dans le genre là-bas. Ouais, et en fait, parce que peut-être que t'avais une tête à. T'as une tête de. Peut-être pour ça là. Attends, Rivabella, c'est un peu le repère. Hein. Bon, en tout cas, merci Martin, on te salue mon pote. Hein. Bisous Martin, bonne soirée mon pote. Hein. Vas-y, tata, bisous, ouais, déjà, bye. Il nous a tués quand même. On a Mathis qui est en Fala. Salut Mathis. Salut. Mathis est dans la maison. Sur Énergie. Tu dors pas toi? Mathis, il est quelle heure là? Je sais pas, attends. Regarde l'heure, vas-y. Attention. 23h23. Yeah, 23h23, mesdames et messieurs. Attends. Ils vont croire qu'on est pas en direct, il est encore que 22 là. Mais c'est bon, dans 20 secondes, il est 23, toi aussi. 23h23, la team. Qui est encore là pour nous envoyer 23h23 sur le WhatsApp? Yeah. Et il y a Thibaut également qui est là. Je vais l'envoyer. Ah vas-y. Putain, mais c'est cool. Salut Thibaut. Yo, Thibaut est dans la maison. Sur Énergie, tranquille à l'aise. Thibaut contre Mathis dans le Give Me 5. Non, il est 23h22. Je suis d'accord avec Robert. Avec Robert. Je sais pas, c'est pas Michel, c'est Michel. Ah. C'est Michel. Alors attention, Mathis, t'as quel âge? 12 ans, et t'as pas examen demain? Non, c'est la semaine prochaine. Ah ok, tranquille, tu commences la semaine prochaine toi. Tu commences avec quoi? Français, 4 heures de français. Ah, 4 heures d'examen de français. C'est possible, hein. Ouais, tu peux terminer en 40 minutes, quoi. 2 heures et puis 2 heures. Alors, Vince commande des clients, Ousmane, Derek Dandorlec. Vous voulez que je vous en fasse avec les initiales énergie. Avec plaisir, quelqu'un qui fabrique des bougies. Vas-y. Grave, Ousmane. C'est cool, ça. Ah, franchement, mais d'office, hein. Fais-toi plaisir, hein. Genre pour nos fêtes et tout. Alors, Mathis va affronter Thibaut au Give Me 5. Le principe est simple, au téléphone à des hôtels, il faut placer 5 mots dans une conversation logique. C'est-à-dire avoir poser un mot et avoir une réponse derrière. Mathis, tu veux faire équipe avec qui ce soir? Tu as Thibaut, Eddie, Nigel, Lara et moi-même. Lara. Ouais. Très bien. Ils commencent tous avec la race, c'est incroyable. Ouais, et puis Thibaut, tu veux faire équipe avec qui toi? Il te reste Nigel, Thibaut, Eddy et moi-même. Thibaut, Eddy et Thibaut, ça peut être pas mal ça. Ouais, un double Thibaut. Avec moi, oh. Ben, hop là. Sympathie. Team up, c'est parti. Oh là là, ouais. Oh my gosh. C'est parti, Gimmo 5. On va commencer avec Mathis, mais juste après, Holy Murs avec Snoop Dogg. Snoop Dogg, SNOP, Dior Double G. On a encore le Kiff ta sœur là qui va arriver là ce soir sur Énergie. Qu'est-ce qui se passe au standard? Ils m'ont fait une jet-tête. Et quand j'ai dit Kiff ta sœur, ils m'ont regardé en mode PLS, genre, oh mon dieu, non, qu'est-ce qui se passe, les gars? Bah, je veux dire que c'est la routine là maintenant. Hein, mais ah ouais, avec Thibaut, c'est sûr que c'est la routine. Ouais, travailler avec Thibaut. Il est trop tard, c'est ça, et la personne décroche plus. C'est pas trop tard. La personne avec qui on veut faire la blague ne décroche plus. Moi, je trouve qu'il est pas trop tard, c'est la personne qui décroche plus. Ah, la personne avec qui on veut faire la blague, n'est-ce exactement, pas? Exactement, mais c'est toujours comme ça. Bah ouais. Les auditeurs, ils vont dormir trop tôt. Non, non, c'est pas les auditeurs, puisque c'est la personne qui veut faire la blague à l'autre. C'est ça que je veux dire, c'est ça. Les gens vont dormir trop tôt. Oui, Mathis. Je suis obligé de commencer. Non, ça peut être Thibaut qui peut commencer, hein, y a pas de problème. Hein, Mathis, pas. Ferme ta bouche, ouais, apparemment tu dois dormir. Holy Murs avec Snoop Dogg. SNOP Dio Double G. Voici Moves tout de suite sur Energy. Merci Steph pour ton message. Batman groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down! DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O-Dub. G and the thug, watch I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run your line. See what I come to find. It's your moves, baby. You did it. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the D-O-Dub. In my book, they say sharing is caring. But I got that love that you ain't used to. Dance to the rhythm of the D-O-Dub. When the DJ's spinning that song that we grew to, you know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h. Non mais... Vince, sur Énergie. Non mais allô, non mais tu t'es pris pour Roméo. Non mais allô, c'est Damien là, il m'envoie une photo de sa teub là, arrête Il monte en puissance hein. Ah mais de plus, oui mais pas sa teub, hein. Elle monte en puissance. Voilà, arrête, oh, putain, il m'envoie des photos dégueulasses Damien, ça y est, on est gentil avec lui, il réabuse là. Ah, par contre, tu veux pas le bloquer genre 3 mois lui? Il est 23h23. Il s'est déjà passé plus un moment malheureusement, il est 23h28 là. La bergamote est dans la maison Luxembourg, merci pour le message et merci pour votre fidélité à toutes et tous. Là, il y a plein de nouveaux ce soir, vraiment. Je vous salue du fond du cœur, merci de faire partie de cette émission là. Putain, les gars, trop fort l'émission. C'est Tolga qui nous a envoyé ce message. Tolga qui, attention, qui a le magasin Manga Bosseuse d'ailleurs. J'invite la police à aller vérifier l'arrière boutique hein, parce qu'il paraît qu'il y a du deal de cannabis là-bas. Hein. Ouais, non, mais et pas que du cannabis, hein, cocaïne aussi. Voilà, cocaïne, Manga Bosseuse, attention à l'arrière boutique. Hein. Ouais. Moi, je dis un petit contrôle, ça ferait du bien. Non, je déconne. pas, c'est une milieu, blague. On l'appelle Heisenberg. Hein. Non, mais on déconne, hein, au cas où. T'imagines, il va vraiment y avoir un contrôle. Je vais rejoindre des amis de France et je vais en Belgique. C'est Céline qui nous a envoyé ce message. Merci Céline, qui est à l'écoute de l'émission. Premier message envoyé. Fred du Luxembourg, là. La bergamote est toujours dans la maison. On vous écoute tous les soirs, les gars, dans la voiture, retour après le taf. Continuez comme ça, vous nous faites kiffer. Je jure qu'un jour, je viendrai manger chez vous. Je le promets. La bergamote. Quand je serai à Luxembourg, je sais pas quand, mais... C'est quoi, bah, vas-y, je vais aller à Luxembourg ce week-end, tiens, j'ai envie, voilà. Voilà, j'ai envie, j'ai décidé. Ouais, c'est bon, j'ai décidé. Passe un bon week-end. Voilà, j'en ai marre, moi, j'ai envie de partir loin. Ouais. Faut dépenser son argent dans un pays où il y a beaucoup d'argent. C'est ça, j'ai envie d'aller en Moselle, j'ai envie d'aller dans les terres rouges. Yaou, ah, on a fini journée, yaou, gilet jaune. Il exagère celui-là, là. Vince, ça fait un mois et demi. Oula, moi j'ai fait un mois et demi en prison. J'étais le petit belge en prison. Haha, il t'a envoyé comme message là. Comment ça, du tout gratuit. Vince, je suis chauffeur Uber et je vous impose à tous mes clients et ils kiffent tous. Ah bah ça fait plaisir ça. On salue chauffeur Uber là qui nous écoute et on salue bien sûr les taximans. Et visiblement il a pris sa photo centre-ville de Bruxelles. Est-ce que quelqu'un reconnaît là le bâtiment au fond qui est vert et bleu là? Il est connu en plus ce bâtiment. La Tour du Midi? Ouais, non, c'est le bâtiment Bellevue je crois. Non, ING. C'est ING, c'est le bâtiment ING, ouais. Ça. D'accord. Enfin, je n'arrive pas à reconnaître la rue exactement, mais en tout cas, ça fait plaisir c'est toujours de. C'est la Loi, oui. C'est à côté de Rue Béliard. La rue de la Loi, on voit ça. Ouais. Ouais, c'est Rue Béliard, ouais. T'es sûr qu'on voit ce bâtiment-là? Ouais, Rue Béliard, c'est genre à Trône, ça. Mais non, ça, c'est le bâtiment de Roger, ça. Mais non, c'est à Trône, ça. C'est un bâtiment à Roger. Bah, demandez-le à lui, arrêtez vous pas. La police est en route, elle est là, elle arrive. Ça bloque à la station Sprimont. Gilet jaune, ah ah, gilet jaune, ah ah. Ah non, mais c'est sérieux en plus, il nous a envoyé ce message avant là. Blocage des gilets jaunes à la station QA de Sprimont. De Sprimont, donc du coup à. Gilet jaune, moi gilet jaune, devant les gilets. Alors, enfoiré avec des voleurs de montres dans ton équipe. Ouais, c'est vrai, putain, Nigel, il a volé ta montre, Tolga. Il a volé la Rolex de Tolga. Ouais, sa fausse Rolex à 2 euros, là. Bah, il est turc en même temps. Non, je rigole, non, mais j'ai été lui redonner sa Rolex. Ça, tu l'as rendu, là. Et il a voulu m'offrir à manger. Tolga, le boss de Manga Brussels, qui est avec nous tous les lundis sur NRJ, on salue d'ailleurs. Et n'oubliez pas, je pouvais aller là-bas et très prochainement, je crois qu'il y aura un code promo, là, pour avoir moins 15%, il me semble. Sérieux? Ouais, surtout pour une période précise et tout ça. Vince, c'est le bâtiment d'ING, Théâtre. Une place à Marnix, à Bruxelles, sur le boulevard du Régent. Merci pour le message. C'est quelqu'un qui nous a jamais envoyé de message qui nous a envoyé ça. Je tiens à le préciser quand même. Hein. Okay. Bah, c'est cool. Gars, hein. Il faut absolument que vous rameniez du monde à Courcelles. C'est horrible. On est peut-être une cinquantaine, mais ils font encore du monde devant le dépôt Lidl. Allez, ramenez du monde, les gars, on compte sur vous. Ah, mais ok, j'ai compris ton message à tout à l'heure, genre, ouais, ils filent des Red Bull gratuits. Mais en fait, non, t'as demandé à ce que des gens viennent faire des blocages pour les gilets jaunes. À l'antenne d'énergie, tu profites du fait qu'on est la seule émission vraiment en direct. Hein, tu es malin. Ou du moins qu'il y a des auditeurs. Hein, bah, t'es malin. Non, ça va, vous abusez. Bon, vous abusez avec vos notes vocales sur WhatsApp. Hein. Je vous redonne le WhatsApp une dernière fois avant le Give Mo 5. 0492 222 002. Allez, c'est parti, on lance le Give Mo 5. Est-ce qu'on peut faire un premier jet rapide avec. Non, on risque de couper, Nigel, si ouais, on fait maintenant. Ouais, c'est tendu. Parce qu'en fait, il y a tellement d'infos qui arrivent à la fois dans cette émission que du coup, ben, malheureusement, on est coupé par la pub tout le temps. Ouais, c'est dommage. Ah, c'est grave. Ça. Mathis et Thibaut, vous êtes prêts, les gars? Ouais. Eh ben c'est pour après. C'est pour juste j'en après ça. J'en étais sûr. DJ Snake avec Taki Taki, c'est ce qui arrive sur Energy. Et bougez pas parce qu'on a le tic-tac-toc. Tic-tac-boom, pardon. Putain. Je suis fatigué. Le tic-tac-boom qui va arriver. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous au tic-tac-boom, il suffit de m'envoyer boom maintenant sur le WhatsApp. Envoie-moi boom. Voilà, boom. Tout simplement sur le WhatsApp. 0492 222 002. On arrive. Let's go. Oh mon dieu, non. Oh mon dieu. Non, Damien, putain, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Oh mon dieu, excusez-moi, je me sens pas bien. C'est la photo habituelle? Thibaut, viens, je veux la réaction c'est de Thibaut. Non. Allez, fais vite, je vais être coupé par la pub, connard. Je veux ta réaction maintenant. Oh putain, mais dis-moi que c'est pas ce que je pense. C'est ce que tu penses. C'est sûr. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500 euros cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500 euros cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78. Et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Vince. Du lundi au vendredi. Oh mon Dieu. 21h minuit sur Énergie. Ah non, non, mais je me sens pas bien, les gars. Je vais pas bien. Je vais pas bien. J'ai mal au ventre là. Même Thibaut, il est pas bien. Nigel, il est pas bien. Eddie. Franchement. Tout le monde a vu là la photo que Damien a envoyée là. Damien qui met des trucs bizarres dans son derrière, mais là, il y a un problème là. Non, mais qu'il aille se faire enculer, sérieux. Non, mais. Ça va pas, quoi. Alors. Ah non, mais là, c'est. Il m'a écrit un message, il m'a dit: désolé, des fois, je fais des trucs un petit peu spécial. PS, je suis prêt à tout pour devenir une star du X. Damien, tu me fais. Il a dit star du X? Damien, tu me fais de plus en plus peur. Je sais pas où il va aller. Hein. Lara, non, moi, je veux pas voir. J'espère que t'es prête. Ah, Lara, du coup, t'en as tous vu dans cette émission. Donc, tu dois voir avec, hein. Arrête, j'ai envie de vomir, Vince, putain! Il m'a envoyé la photo que je ne vous enverrai pas. Vous êtes très nombreux à me demander, mais quoi, il vous a envoyé quoi comme photo, Damien, sur Twitter? Malgré lui, c'est un auditeur. Malgré nous, c'est un auditeur. Et un créateur d'ambiance. En plus, tu l'as intégré dans l'émission. Genre, c'est ça, t'imagines si on a l'image de Damien là. On va avoir une chute d'audience, mais pour l'instant, il fait l'inverse, lui. Oh putain. Lara. Tu vas montrer quoi? Je veux ta réaction en direct. C'est pas un truc illégal. Non, pas du tout, c'est pas illégal. T'envoyer quoi? Tu penses bien que j'aurais pas mentionné ça. Je vais t'envoyer la photo et je veux ta réaction, Lara. Il a quoi ou quoi? Je te tourne l'écran, t'es prête? Oui. La photo de Damien. Non, mais je veux pas. Voilà. Ah! C'est putain, quoi? Ah, heureusement, je vois pas là. C'est de la merde! C'est de la merde. Putain. Mais non! Je suis désolé, hein. Cette émission part en scatophile. S'il te plaît, enlève cette image, s'il te plaît. Alors, putain! Donc en non, gros. Non, je suis sûr que c'est pas ça, c'est pas possible, c'est impossible, d'avoir ça dans sa bouche. Damien, on a besoin d'explications là. Parce que... Est-ce que c'est vraiment sa bouche? Damien, il m'a envoyé ça quand même. Hein. Ça, c'est du lourd, hein, les gars. Juste après la photo. Hein, est-ce qu'on est sûr que c'est sa bouche? Je reconnais sa bouche. C'est une blague. Putain, ouais, parce qu'il tu a des dents. Tu connais la bouche de Damien? Ouais, je l'ai embrassé et tout. Tu as pris la bouche. Merci Robin depuis. Merci Robin qui me dit: Vin, j'adore votre émission. Il a mis quoi dans ce derrière? Non, c'est pas dans le derrière là, les gars. Dans le devant. C'est dans la bouche là. Mais du coup, on va faire un jeu, qu'est-ce qu'il y a dans la bouche de Julien Michel qui dit: je mange, les gars, please calmez-vous. Ah non, mais là. Mais pourquoi? Excusez-moi, je me sens pas bien, j'ai envie. Il y a des petits morceaux. On peut voir la photo, Vince? Non. Mais sur son Instagram, s'il te plaît. Non, non, bah si. Alors, ok, tu sais quoi, on met sur mon Insta en story. Non, non, non. Mais je l'enlèverai à minuit. Hein. Mais pourquoi? Donc, je veux pas que ça reste dans ma story, c'est ça. C'est dégueulasse, allez. Nigel, j'ai plus de batterie, fallait avec ton téléphone. Vas-y, c'est parti. Ah, putain, mais je suis pas content. Je sais que je vais pas bien depuis là tout à l'heure. Depuis que j'ai vu ça, j'ai mal à l'estomac là. Vince, tu peux m'envoyer la photo s'il non, te plaît? Non, non, non, non, non, non. Tu vois, t'as réveillé tous les fous. Allez fous, sur là. Mon Instagram si vous voulez, Vince Radio, V-I-N-Z Radio. On va taper ça en story, j'ai pas envie que ça reste. Mais tu sais que nos patrons, ils voient ça. Ouais, bah voilà, voilà le. Voilà, la photo est là, elle est faite. Je crois que si tu mets des trucs comme ça en story, tu peux avoir des problèmes avec ton compte, tout ça. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. À ce point-là? Ouais. Bah alors, on va la mettre, on va l'enlever tout de suite. Donc, j'ai pas Insta ni Snap. Il va falloir installer Insta, mon petit Francesco, là. Tu peux te loguer avec Facebook après, là. Mais... Et j'en perds mes mots. Hein. C'est dégueulasse, allez. Ah non, mais vraiment, alors là. On va pas faire 40 ans. Moi, j'ai envie de vous épargner de ça, hein, mais je sais qu'il y a plein de curieux. Bah, les curieux, bah, vous allez avoir pour votre grade, alors. Hein. Ça vous apprendra à être curieux. En attendant, c'est parti. C'est Thibaut qui s'y colle d'abord pour le Kiff Mo 5. Thibaut, est-ce que t'es prêt? Ouais. Formidable. Il faut que je change les idées. Formidable. Thibaut, tes mots sont empaillage, ameublement, poinçon, suffoqué et érection. T'es prêt? On appelle quelqu'un au hasard, ok? Ouais. C'est parti, on appelle. Let's go, Nigel. Tu peux me faire un yes. appel téléphonique. Après, c'est Mathis qui s'y colle. Et Thibaut joue avec Vince. Avec moi, tout à fait, oui. Ah, j'ai mal à l'estomac. Et j'ai envie de vomir, et les gars. Toi aussi, c'est dégueu de montrer ça. Oh mon dieu. Quoi, ça sonne pas? Il m'a fait pire que Tour Girls One Cup. C'est bon, ça sonne. Alors, attention, on y va. Les gars, au standard, attention, on vous entend. Allez. Je précise, il faut une minute. Bon, on appelle tard, il est 23h40. Thibaut, coupe ta radio derrière. Ouais, ça l'harcèle. Il est con, lui. C'est parce qu'en fait, on a coupé le son, donc il n'entendait plus nos voix. On appelle ailleurs, Thibaut, comme ça tu sais. Tu l'as eu, boss, sans speaking out, canard. Allô? Allô, oui? Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est monsieur Poinçon à l'appareil. J'aimerais. Oh allez non! Allez. Oh bah, purée, bah, ça va pas tarder là! Oh, ça a été du rapide! Bon bah, Thibaut, t'as pu passer monsieur Poinçon. Poinçon, pardon, donc je fais le bruit. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. 1 sur 5. Oh, déjà, ça met une claque, ça. Hein. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, Mathis. Mathis, t'es prêt? Ok. Mathis, tu fais équipe avec Lara. Alors. Chaud, Mathis. Ok, super. Ça va être génial. J'ai tout écrit, donc ça. Ah, carrément, il a écrit son truc. Alors, les mots sont hiéroglyphes, farfouillés, porcelaine, injection et stérile à placer. C'est parti, on appelle. Allez. Alors, on y va. Let's go. Let's go to the beach each. Let's go get away. Okay, say. What they gonna say? And a Vic, Vic. What they gonna do? Well, like I like me and I like about the. Flower, flower. I love to dance. Give me more, more. So here I am. J'adore vos musiques d'attente. Flower, flower. So kill a hen. Fill on the moon. Flower. Starship. Sur énergie. J'entends. On répond à mes appels. Alors, appelle ailleurs, s'il te plaît. Il est déjà 23h41. Allez. Tout. Pourquoi ça sonne plus là? Par contre, il y a un bug. Hein. Je sais pas. Moi, j'attends que tu appelles. Là. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Il y a rien dans ta story. Haha. Attends, tu vas voir. Mais si, c'est demi là dans la story de Vince. Pourquoi ça sonne pas là, les gars? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, attends. Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Alors, ça, c'est bon, ça sonne. Ce jeu est maudit! Faut mettre d'autres numéros. Ouais. Ah là là là là là. Franchement, dis. Non, sérieux. Ah, ça décroche plus là. C'est pas des couilles. Pardon, bébé, j'étais. Là, ça prend du temps. Hein. Plus on appelle tard, plus on prend du temps. Quand tu lui dis un truc, j'en ai fait. Ni hôtel de Lille, bonsoir. C'est pas des couilles. Oui, bonsoir. Oui, madame. ça, madame. Je vous appelle pour vous demander des informations pour une réservation pour un cadeau pour ma maman. J'ai farfouillé sur internet pour trouver votre hôtel. Voilà. Oui, madame. Avez-vous une pièce ou une salle stérile dans votre hôtel? Je vous entends très mal. Avez-vous une pièce ou une salle stérile dans votre hôtel? Une salle? Une salle? Ma maman doit se faire des injections ouais, pour son traitement. Oh, raccroche-la, joli. Bien, joli, 3 sur 5. Eh, joli. Ouais, franchement, bien joué. Bon joueur, je dis que c'est bien joué. Ouais, franchement. Ah, vérité au niveau des points, c'est moi qui m'y colle. Et Mathis, t'inquiète pas, c'est parce que ta voix changera un jour. Pour l'instant, elle est encore salut, mais un jour, elle va faire hé, hey, coucou. Salut, c'est Mathis sur Énergie. Mathis, tous les soirs sur Énergie. Comment lui en faire confiance? Alors, attention, ils ont tué le. Bon, c'est l'être humain qui Mathis. Alors, mes mots sont claustrophobie, rayure, épitaphe, barricade et proxénète. Je dois absolument faire 5 si je veux arriver à quelque chose. Et c'est quoi ton style aujourd'hui? Et mon style, c'est parler avec l'accent Jamaïca, mais je sais pas faire l'accent de Jamaïca. What's the c'est Sean Paul en vrai. Ja Rastafari. Ouais, mais en anglais, ok, mais. C'est rare le patois jamaïcain en français. On y va, c'est parti. C'est simple. Hein. Ouais. Ouais, on se débrouille. Allez. Tu peux faire créole vite fait. Ouais, vite fait, faut. Ouais, tu as vite fait. Tu dis, tu es au réveil. Et de l'hôtel déjà, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que c'est bien l'hôtel Epitaph à l'appareil? Non. Ah, c'est pas ça. Bah, c'est pas grave. C'est pour savoir s'il était possible de réserver une chambre parce que je voudrais me barricader prochainement. Non. Elle fait une barricade. C'est pour quand? Ce sera pour la semaine prochaine. Jarvis to Fry. Est-ce que c'est possible? Alors, deux petites minutes. Dans mon travail, je suis proxénète. Ça m'arrive de temps en temps. Allô, vous êtes là? Ne raccrochez pas. Oh, j'ai fait 4. You used to say. Oh. Oh ça fait pas 4 avec 3. Les points de Thibaut. Ah ouais, c'est vrai, donc on a que 4. Oh quatre mon dieu. C'est-à-dire que tu fais un point, c'est bon, c'est égalité. Enfin, oh mon dieu. Ouais. J'ai essayé de jouer le jeu jusqu'au bout en mettant de la musique Jamaïca et tout là. Oh. Hey. C'est le moment de sortir le ouinge sans THC. Avec uniquement la CBD, ce qui est autorisé par la loi. Yeah. Mais pas bien, ne fumez pas, c'est pas bien. Fumez, tu es. Dans le grand dans le cliché. Pourquoi est-ce que tout le monde fait ça en genre. Mais pourquoi t'as mis cette chanson alors? Si c'est pas un cliché. Je suis défoncé. Parce que ça fait du bien d'écouter un peu de Bob Marley. Don't worry about the thing. Oh my god. Gonna be alright. Oh yeah. Oh my god. The voice. Ok. It's an old that les chansons les plus connues de Bob Marley ne passeront pas ce soir. Et la chanson la plus connue de Bob Marley, c'est bien sûr. Vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star avec Bob Marley. Je suis des ralentis, je suis comme Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Lara, attention à toi de jouer. Il te suffit de 2 points pour marquer cette victoire. Ouais. Tes mots sont pharynx, serre, horoscope, aérosol, fisting. Et tu as parlé, attention, nous rentrons dans le cliché tout de suite avec l'accent, enfin tout est cliché de nos jours, donc on s'en fout, on le fait. L'accent asiatique. Alors, accent asiatique, ça peut être pakistanais aussi. Hein. Cambodgien. L'accent hindou. Acha, acha. L'accent japonais, c'est asiatique. L'accent russe, c'est asiatique, en fait. Hein. Ben ouais. Quand on y pense. Ouais, mais on va faire le classique. Hein. Adjol, t'as mis la photo sur le Instagram. Ouais, j'ai mis. On va l'enlever à minuit pile, hein, dans 13 minutes. Vas-y, je mets un rappel. La photo de Damien bizarre, là. Oh, elle m'a choqué, cette photo. Putain, mais dégoûtant. Vraiment dégoûté. Oh. Je te mets dans l'ambiance, là. Toujours pas joué DJ Snake, taki-taki, hein. Je suis méga à la bourre dans mes sons ce soir. Ouais, on rumba. L'a pas joué? Non. Ah, tu l'avais dit télé joue. Bon toi. Allô? Oui. Oui, madame Fisting, appareil. J'appelle pour des renseignements sur votre hôtel. Oui. Je souffre d'allergie. Est-ce que vous vaporisez des aérosols dans l'hôtel? Comment? En fait, attendez, parce que j'ai une notification sur mon téléphone, c'est mon horoscope. Vous m'entendez? Et voilà! J'en ai fait 3. Ce qui veut dire que ce soir, on récupère Mathis en standard. Allô Mathis? Mathis? C'est l'être humain qui m'attire. Mathis, c'est gagné, bravo à toi. Merci hey. Qui? Merci Mathis. Et Michel. Non, merci Lara. Voilà, putain, voilà. Mathis, il a tout 12 ans, il a gagné, wesh. Bah, c'est normal, je peux gagner à n'importe quel âge dans cette émission. Mathis, ouais, mon pote, il va falloir aller dormir là, il est tard. Hein. Je vais bientôt monter. Ah. Je dors jamais, donc. Quand tu dis je vais bientôt monter, c'est-à-dire t'es où là? Je suis dans la cave. Non, je suis dans ma salle à manger. Ah, dans la salle à manger. Ils sont où tes parents? Ils sont où les parents, ouais? Oh, ma mère est en haut et mon père en train de travailler. Ah, d'accord. Ils savent que tu passes à la radio et tout? Ouais. Génial, voilà, tu vois, pas en cachet des parents, je trouve ça génial. Il fait quoi ton père? Mon père, il est terrassier et il travaille avec ses camions, machines et ça. Ah, il terrasse tout le monde. Et cool. Ta daronne, elle fait quoi? Maman, pour le moment, elle est mère au foyer parce qu'elle a trouvé mon frère, elle travaille chez Brune. Le métier le plus difficile, mère au foyer. Vrai. Vraiment. Elle est souvent seule à la maison ou pas? Non. Ah, parce que c'est. Tu vas pas près d'elle, hein. Elle a capté. Elle est pas con, Mathis. Elle t'a 12 ans, mais t'es vif, elle a gagné au quiz. Le putain, le petit con, il était gratuit. Ah ouais. Mathis, t'as très bien joué, mon pote. Bravo à toi et merci d'être passé à l'antenne. Et quand tu veux, t'es le bienvenu, hein. C'est chez toi ici, n'oublie pas. Hein. Ouais, je peux faire une dédicace? Bah, bien sûr, vas-y, on t'écoute, allez. Dédicace à ma mère et à mon père et à Aurélien Préa qui m'écoute. Eh ben, on les salue aussi, ouais, merci dédicace à eux. Et franchement, respect aux parents de laisser, voilà, il est 23h49, franchement, il y a une grosse confiance de laisser l'enfant avec nous à l'antenne. Enfin, voilà, l'enfant, il a 12 ans, c'est pas un enfant non plus, c'est un ado. Mais je trouve ça vraiment bien, cette confiance, parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent parce qu'ils ont peur de se faire engueuler par les parents et tout. Donc, ça montre, mine de rien, qu'il y a une bonne relation, tu vois. De toute façon, ici, le papa, ils sont il entre est là, il sait. Comment t'as dit quoi? Ici, ils sont entre de bonnes mains, de toute façon. Oui, oui, enfin, entre de bonnes mains avec nous, pas avec toi spécialement. Hein. Ah, c'est vrai. T'es capable d'en retourner une, toi. Bisous, Mathis, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Bye bye, ciao. Allez, ciao. Et Thibaut sera pour une prochaine, mon pote. Bien essayé, en tout cas. Même, c'est peut-être le prénom qui te suit. Hein, je sais pas. Allez, pleure, ça fait du bien. Une bonne soirée, mon pote. J'ai fait tout ce que je pouvais. À bientôt, Audi. Allez, Hervé. Ouais. Non, bah, Nigel, t'as coupé ou quoi? Non. Ah, parce que ça fait. Ouais, non, bon, non, il est encore dedans. Là. Bonne soirée, Thibaut. Bisous. Hein. Ouais, vous aussi. Ciao. Bye bye. On a Driss qui est là. Salut, Driss. Allô. Yo, Driss est dans la maison. Sur Énergie. Eh ouais, alright, Driss, est-ce que t'es prêt pour jouer avec nous au Tic Tac Boom? Je suis prêt, là. C'est comme jamais, mon gars. Formidable, mon pote. On fait ça dans quelques secondes. Mais d'abord, voici DJ Snake. Paki paki. Sur Énergie. Les amis, Tic Tac Boom. On va appeler quelqu'un qui nous a envoyé Tic Tac Boom là sur le WhatsApp. On arrive tout de suite. Mot de la fin aussi pour la fin, là. Toute fin, on arrive. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca está Jenny. Llegaron los Anonaki. No le va el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Balance ta voix à la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des notes vocales. Allez, fais-toi plaisir, envoie les notes vocales tranquillou là pour la dernière ligne droite de cette émission. Vin, j'arrive pas à voir Damien sur Instagram. Alors la photo de Damien, mesdames et messieurs, mais c'est vraiment à vos risques et périls. Hein. C'est-à-dire que si vous y allez, vous risquerez vraiment d'être dégoûté. Moi, c'est parce que voilà, vous me le demandez tous comme des oufs, mais parfois la curiosité peut vous amener à prendre des mauvaises décisions. Je tiens quand même à le préciser. Hein. Bienvenue sur Énergie en attendant. Lara, tu voulais dire quelque chose? Non, rien. Je demandais à Nigel de fermer la porte. Ah, très bien. Bon, Nigel a mis la photo de la bouche de Damien là. Oh mon Dieu, cette photo est horrible. Je voudrais les réactions là sur le WhatsApp pour ceux qui l'ont vue. La photo va être enlevée dans 6 minutes, hein, parce que moi je garde pas ce genre de truc sur ma story Insta. Tu vas perdre des abonnés. Toi. Parce que là, je sais qu'il y a que les fidèles qui vont aller la voir, parce que c'est ceux qui nous écoutent là maintenant le soir, et ceux qui nous écoutent comme ça de temps à autre, qui me suivent sur Instagram, et qui profitent pas spécialement d'écouter la radio, mais de participer à plein d'autres trucs comme les vidéos sur YouTube, sur Facebook, les délires qu'on fait. Eux, j'ai pas envie de leur montrer ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, Lara qui est en train d'essayer de me dégoûter en me, elle a mis du chocolat en bouche, elle essaie de me montrer la même chose. Non mais l'autre, Nigel a trouvé une particularité. Non, c'est pas ça, regarde, ça c'est Nigel dans la photo, il a capté un truc, il a dit ouais mais ça il y a pas ça dans le chocolat, il a pas tort. Des petits morceaux là. Il a des délires Damien, vraiment chelou hein. Non mais putain, mais c'est Two Girls One Cup, c'est sa sœur qui a fait ça quoi. Non mais vraiment quoi. Il adore évidemment, il m'a avoué qu'il est scatophile hein. Putain, il dégoûte. Ouais, non mais c'est dégoûtant de ouf quoi. Putain, ce mec travaille dans un snack mais des réactions de Bilal là. Oh putain, me dis pas que c'est de la merde qu'il y a dans la bouche. Tout. Ah si, je crois que c'est ça qui nous a envoyé. Non, moi je crois pas. Alors Vin, je travaille dans un métier où je suis confronté à plein de situations, mais ça c'est répugnant, il doit se faire soigner. Ma mère qui m'envoie un message, je ne vois rien, tant mieux, mens. Je voudrais t'épargner ça s'il te plaît. Petit message de Salim là, il nous dit quoi Salim? Oh Damien, tu m'as fait rappeler une vidéo là. Two Girls One Cup. Qui tournait il y a quelques années. Oui Salim, c'est Two Girls One Cup. Oh non, c'est dégueulasse, je crois que je vais être malade. Vince, j'ai pas vu des pattes dans son caca. Arrêtez rien, putain. Il y a Ryan qui dit c'est dégueulasse mais marrant, tiens. Ah, une petite réaction de David. La maison. Salut David. Bienvenue depuis le Luxembourg. Je vous suis sur Instagram aussi. Vince ainsi que Lara. Et merci mon pote, c'est très gentil en tout cas d'être connecté. Salutations au Luxembourg là. Le fermier dans la maison, envoyé par Jérôme à Ferrero Rocher à mon avis. Franchement, j'espère que c'est ça parce que voilà, mais le mec, il a l'air d'assumer son truc hein, sur le WhatsApp. Non, sérieusement, il a l'air d'assumer de ouf hein. J'ai vraiment l'impression. Putain, que voilà, qu'est-ce qu'il nous dit l'Amri là, un petit message qu'il nous a envoyé là. On voit la photo, j'ai envie de voir un peu cette crasse. C'est sur Instagram. Tu es un adulte consentant. Oui, oui. Tout le monde veut voir mentalement. C'est sur Instagram. C'est sur Instagram, mon pote, Vince Radio, VINZRADIO. Fou, il remange ses propres vitamines et ses protéines. Merci Romain pour la photo là. Non, mais j'étais sur Insta normal et puis il y a cette photo dégueulasse. Poids. Non, mais si j'avais une bitch, je l'aurais. Merci mademoiselle pour votre message. Ah, c'est une meuf. Florian, comment on fait pour voir? Bah oui, si j'avais une bitch, je l'aurais enculé. Ouais, ouais. Comment on fait pour voir? Oui, non, mais si t'avais une bitch, crois-moi que tu penserais pas à faire ça. Comment on fait pour voir la photo de Damien? C'est sur Insta, mais arrêtez, franchement. De toute façon, dans 4 minutes, elle bouge là. Dans 4 minutes, la photo elle part. Ouais, on a sa story. Voilà, franchement. Non, en post normal. On va pas abuser non plus. Vince, toujours un plaisir de t'écouter depuis le Québec. Oh, énorme, mesdames et messieurs. Ah oui. Wow. Ah génial, il est quelle heure là-bas? Genre 18h? Ouais, il est 18h je pense. Par contre, t'écoutes depuis le Québec, j'ai entendu que ça touchait bien là-bas. Dis-moi s'il y a des offres d'emploi. Merci Clément, il s'appelle Clément Braconnier, c'est très sérieux. C'est un mec. Ouais. Eh ben. Ah, non mais les gars, il s'appelle Clément Braconnier. Braconnier. Ouais, Clément. Ah, Braconnier. Ok, ouais. Voilà. Je te mettrai jamais avec mon chat. Hein. Eh merci Clément pour ton message. Putain, ça fait plaisir de nous écouter du Québec, c'est trop génial. Un snack, j'ai quand même quelques doutes parce que noix de pétanque dans un snack par rapport à hier. J'ai des doutes, je dirais plutôt que c'est un restaurant vu le nombre d'articles qu'il y a quand même malgré tout. C'est vrai que c'est... Je crois qu'il va faire ses courses avant à mon avis. Hein. Mais c'est pas con hein. Ouais. Il a quand même des beaux articles. Ils ont bien trouvé des bouchers en train de quêter des morceaux de steak. Oh non mais... Quoi? Non mais le monde là. Attention ça, mesdames et messieurs, Damien m'envoie une note vocale et après on passe au tic-tac boom. Vous en faites toute une histoire, ça reste simplement une vitamine purement bio. Oh. Oh putain, mais attends, c'est une grosse blague. Ah, c'est Damien qui. C'est Damien, la fameuse personne qui nous envoie la photo, hein, qui vient de m'envoyer cette note vocale. Putain, mais vas-y. Ah, salut la team, j'adore vous écouter pratiquement chaque soir dans le camion dépannage de mon homme qui bosse toutes les nuits. C'est cool que tu l'accompagnes. Alors j'aurais préféré desséquer une blatte que de voir ce qu'il a dans la bouche. Le message de Nadir là. Mais comment il a pu, putain, comment il a pu? Je sais pas. Damien, mon dieu, je sais pas comment il a fait. Je vais voir la photo sur Insta et je déconseille vivement d'y aller si vous voulez savoir dormir, les gars. Ouais, c'est ça, vous avez tout craché. Regarde un peu ce que je viens de t'envoyer par message. Attends, tu m'envoies quoi par message? Ce matin, ma copine n'arrive pas à démarrer sa voiture, elle me sonne bébé, la voiture ne s'allume pas. Et en plus, il y a une icône bizarre qui s'est allumée. Je lui demande, c'est quoi comme icône? Elle me dit, un petit bonhomme qui fait caca. Et. Quoi? En fait, il est écrit moi 4, mais ça ressemble à un petit bonhomme qui fait caca. C'est quoi? Il écrit moins 4 degrés, c'est vrai, on dirait un bonhomme qui fait caca. Putain, j'ai jamais remarqué ça. J'avais même pas capté ça. Il a déjà fait moins 4? Putain, c'est... Non. Non, voilà. C'est génial, je vais taper ça sur mon Facebook, vas-y. Allez hop là, je l'enregistre. Vince, tu fais quel genre d'études pour devenir animateur radio? Aucune. C'est l'école de la rue. Aurore, ma chérie, il n'y a pas vraiment d'études, à part si il y a des études de radio de plus en plus, mais. Du charisme. Je t'engage surtout à te dire que la vraie école de la radio, c'est démarrer dans une radio, ouais, tout simplement. Frapper aux portes. Voilà, ne pas hésiter. Et quand la porte est fermée, mademoiselle et mesdemoiselles. Tu la défonces. Non, tu passes par la fenêtre. Ouais, bien vu ça. C'est une grosse connerie, la photo. Cette photo-là, elle tourne déjà sur Facebook depuis 2 mois. Ah putain, j'espère bien, parce que on dirait la bouche à Damien quand même. Hein, parce que là, c'était dégueulasse. Hein. On a une question pour toi. Si tu dors entre une fille et un garçon. Mais tu l'as déjà dit. Tu tournes le dos à qui? Hein, tu tournes le dos à qui, petit coquin? Mais les gars, vous me l'avez renvoyé, mais je vous ai déjà répondu. Il fallait écouter. Je tourne le dos au gars et je serre bien mes fesses. Incroyable. La photo de mon bureau, Vince. La photo de mon bureau. Génial, super. Camion, carrément. On dirait Optimus Prime. Vince, pour info, Anderlecht a fait 0-0 contre Zagreb. Non, mais Anderlecht, depuis le changement de président et tout, c'est 0-0 dans tous les sens. Hein, je le précise. Bon, allez, on se fait un petit tic-tac-boom. Vous êtes prêts, la team? Ouais. Bah d'abord, c'est la pub. Oh. C'est pas grave, on attend, on est là dans les starting blocks. Ce qui veut dire que ce soir, on va dépasser les minuit, comme d'habitude. Bah sans blague. Comme on a toujours fait d'ailleurs. Hein. Bah ouais. Sauf la première émission, on a fini à minuit pile, et puis après, on a pris confiance directement. Là. Ça incroyable. Existe encore, terminé à minuit. Ouais. Bon, les amis, avant ça, on va faire le petit topo. Là. Sem est avec nous, coucou Sem. Jem est dans la maison. Et merci. Sur énergie. C'est Jem, ton nom. C'est un turc. Voilà, tout à fait. Ah, je découvre des choses. Jem contre Driss. Salut Driss. Allô Driss. Salut. Ouais. Yo, re-salut Driss qui est dans la maison. Driss, SM. Jem. Ouais. Jem, pardon, contre tout le monde ce soir au tic-tac-boom. Alors attention dans l'ordre, ça commence avec Eddie, ensuite Thibaut. Yeah. Puis après, c'est Jem, puis Lara, puis Driss, puis Nigel. Ah, cool, ça je t'aime bien quand tu fais ça. Ok, vous êtes prêts? Donc Eddie, Thibaut. Jem, Lara, Driss, Nigel. Yeah. Le principe est simple, vous avez un compte à rebours à n'importe quel moment, on ne connaît pas le temps, une bombe peut vous exploser dans la gueule, ça s'appelle le tic-tac-boom en fait. Hein. Et si jamais vous répondez correctement à la question, je passe à la personne suivante. Si vous répondez mal, ben je continue à vous poser des questions jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. Et c'est tout de suite sur Energy, let's go. Oh yeah. Oh my gosh. Hey Stav, il y a mon truc qui se met à déconner, tu vois, il y a mon truc qui se met à déconner. On est à l'antenne là. Ouais, on est à l'antenne. Tu commences à chanter Post Malone, ouais, c'est juste après ça. Vince est sur Énergie tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, en principe, hein, parce qu'il ne finit jamais à l'heure. Hey Vince, il est minuit, faut rendre l'antenne. Je veux pas. Vince. Non. Vince! Seigneur Richard! Ah ben, je crois que je parle dans le vent, là. C'est bon, Vince, tu peux terminer quand tu veux. Ouais! C'est ça, même! C'est ça, la vérité! Tous les soirs, de 21h à. Je sais pas quelle heure, sur Énergie. On laisse les auditeurs décider! Énergie et David Guetta vous offrent votre soirée du 31 décembre grâce à la phrase Énergie. Salut la Belgique, c'est David Guetta. Écoutez Énergie et je vous offre votre soirée du nouvel an. Son, lumière et déco, on s'occupe de tout. Prévoyez des potes, ça va être une soirée de dingue avec Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur énergie.be et l'appli Énergie Belgique. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Toutes mes stars musicales préférées sont dans ma playlist Énergie. Énergie, Énergie. Energy. It's music only. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me flauco como Yandel. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. La gente mashup. Bogotá para rumbear y Boga para danzar. No llego todos ya. Quiero el ritmo sin ley. El papi pula. Vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal. De España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta. En Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal. De España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta. En Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quiere vacilar con tus amigas en el bar. Vamos de Colombia hasta Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. Que lo que. Kaiser Panda. Que lo que. Reptilian Bootmuller. Bad Bunny, on l'aime bien avec Drake, Mia. Mais ce sera pour après sur Énergie, pas tout de suite. Allez, je vous juste le début, juste le début. Yeah. Todos están pendientes a ti. Et je vous frustre, et la suite, c'est après. Le soir, dès 21h. Dès 21h. She say, do you love me? Tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Vince, c'est dans la maison! J'adore. Driss, Sem, ce soir, attention, ça va être le tic-tac boom. T'as Lara qui nous fait des têtes bizarres. Hein. Vous pouvez jouer avec nous, les amis, si vous êtes rapide et efficace. Et gros bisous à Lisée qui est encore connecté. Courage à ceux qui sont en train d'étudier là. Je connais pas mal qui nous écoutent en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ma tête bizarre. Elle tu fais des têtes cheloues que dans le. Regarde, parce que quand je suis tournée comme ça, tu vois pas, mais quand je. Si, ça se voit quand même. On dirait que t'es une malformation du visage. Elle ressemble à Momo. Lequel? C'est vraiment ça en plus. Ah oh, oui, lui. Enfin, lui, elle. Bon. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes concentrés? Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer le tic-tac boom? Ouais. Formidable. C'est quoi le principe du tic-tac boom? C'est très simple. Lara. Écoute, c'est un quiz. Voilà. On déconne. C'est un quiz. C'est un quiz. Il n'y a pas un rire de cheval. C'est un rire de vieux. Tu m'as donné envie de jouer à Red Dead Redemption avec ton rire de cheval. Rire de fumeur. C'est un quiz, c'est tout. En fait, ah oui, c'est un quiz avec un c'est un quiz. Un quiz. C'est quoi un quiz? C'est quoi un quiz? Ça me rappelle ma fille là tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe, mais je lui ai donné un truc et elle me dit c'est quoi ça, papa? Et moi je lui dis c'est une touillette, tu vois, parce que c'est pour le thé. Ouais. Et après elle rigole, pète de rire, je sais pas pourquoi tu rigoles, elle fait ah, une couillette. J'avais un pain en pain, je lui ai fait tu taper sur la tête mais avec le pain gentiment. Mais elle est marrante, elle a de la répartie. Ah oui, non, mais complètement. Mais elle écoute Vince de 21h30 sur Énergie. Elle est repartie. Arrête, elle va venir, elle met du caca dans sa bouche et ça continue. Donc en gros, je t'aime Damien, vas-y. Comment le tic-tac boom? Ouais. Bah, en fait, c'est un quiz. Mais vous le connaissez, le jeu? Ça fait trois jours qu'on joue à ça. C'est un quiz, ça passe de main en main, là. Et puis, il y a un timing. Comment est-ce qu'on appelle un chrono? Comment est-ce qu'on appelle? Non, c'est un tic-tac boom, oui, c'est un tic-tac, un chrono. Comment quoi. Est-ce qu'on dit un chrono à rebours? Un compte à rebours. Ouais, un compte à rebours. Voilà. Et alors, quand vous entendez genre boum, la bombe qui explose. La personne qui était en train de parler a perdu. C'est easy game, c'est le jeu le plus simple. Ouais. Est-ce que j'ai bien expliqué? Ouais, totalement. Et on commence tout de suite. Attention, je rappelle le principe. On tourne autour de la table, pas le principe, mais en tout cas l'ordre. Il y a d'abord Eddy, Thibaut, ensuite il y a Jem, puis après c'est Lara, puis c'est Driss, puis c'est Nigel. Vous êtes prêts les gars? Yes, ouais. Oui. Tranquille. Driss, Jem, c'est bon, vous êtes prêts? Oh, ouais, ouais. Okay. Donc Driss, tu vas parler après qui? Lara. Très bien. Jem, tu vas parler après qui? Après Thibaut. Parfait. Les gars sont chauds. Ils sont vifs, j'aime bien ça. Et ça commence à partir de maintenant, c'est parti. On commence avec Eddy. Eddy, combien a-t-il de miles à parcourir dans la course d'Indianapolis? 21. 500. En quelle matière est le petit bonhomme chanté par Patrick Sébastien? En mousse. Bonne réponse. Thibaut, quel insecte est pris par celui qui se vexe et pique celui qui se fâche? Je sais pas, menthe religieuse. La mouche. Alors attention, où était Archimède lorsqu'il découvrit son fameux principe? Bonne réponse. Attention, Jem. Quel âge a Pierre Perret dans Les Jolies Colonies de Vacances? 71. 8 ans. Quel animal est Pampan dans Bambi? Pampan. Le cerf. Un lapin, malheureusement. Que simule Meg Ryan au restaurant quand Harry rencontre Sally? Je passe. Un orgasme. Quel instrument de prédilection du chanteur Gérard Blanchard? Putain. Je passe. Ok, comment s'appelle un losange avec un angle droit? Un carré. Alors, quelle est la monnaie de la principauté d'Andorre? Je pense. C'est l'euro. À quel réalisateur doit-on le film Platoon et JFK? Oh voilà, bien. Élimination pour Jem, malheureusement. Jem, pas du tout. Ah, désolé, mon pote. C'était Oliver Stone. J'adore. Ah, mais il y a tout. Il y a des questions difficiles comme des questions faciles qui peuvent arriver. Hein. Ouais, c'est chaud. Bon, Jem, reste avec nous à l'antenne. Attention, Driss, je crois qu'il y a une notification tout le temps chez toi qui arrive là. Ouais, attends, je coupe le téléphone. C'est bon. Merci mon pote, c'est bien gentil. Attention, ça va aller très vite. Bon. Sois prêt. T'es prête, Lara? Ouais. Attention, Lara. Ouais. Ouais. C'est parti. Dans Samantha Oops, comment s'appelle la copine brune? Je sais pas. Chantal. Ah ouais. Quelle actrice américaine a-t-on surnommé la divine? Je sais pas. Greta Garbo. Ah, en ouais. Plus du lieu et du temps, quelle est la troisième contrainte du théâtre? J'ai pas compris. Hein. En plus du lieu et du temps, quelle est la troisième contrainte?